Bonjour, rebonjour pour certains. Bienvenue sur le salon Tatou Juste, et plus spécifiquement sur cette quatrième et avant-dernière conférence dans le cadre de ce salon. Nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Kulik. Alors il a une casquette là sur lui, mais en fait il a plusieurs casquettes, ce monsieur. Bon, il est à la fois jardinier, pépiniériste, spécialiste en permaculture. Il s'occupe aussi d'une chaîne YouTube. Voilà. Il est dans l'actualité. C'est aussi pour ça qu'il était invité sur ce salon, dans l'actualité, puisqu'il vient de sortir un dernier livre. Alors, je dis dernier parce qu'il y en a eu un autre avant. Donc, ce livre sera disponible pour ceux qui le souhaitent au fond de la salle. Vous pouvez le retrouver aussi sur la librairie Lirondaine, sur le salon. Voilà. C'est le deuxième livre. Il y avait eu un premier, c'est pas très ancien, c'est en 2023, je crois, le premier livre. Pour info, cette conférence est enregistrée. Donc, ça va se passer en deux temps, une présentation de Rémi, et puis ensuite, il y aura un moment d'échange avec vous. Et à ce moment d'échange, on vous passera le micro. Parce que comme c'est enregistré, on n'entendrait pas vos questions. Donc parlez bien dans le micro et le plus distinctement possible. Je vais laisser la parole à Rémi et puis je vous souhaite une bonne conférence et puis à tout à l'heure pour les questions-réponses. Ben, salut, merci d'être aussi nombreux, c'est chouette, je ne suis pas impressionné du tout. Donc là, on va parler jardin-forêt. Déjà juste, alors ça va être compliqué d'interagir parce que je suis le seul à avoir un micro, mais on va quand même essayer un minimum. Juste des petites questions comme ça pour commencer. Vous connaissez ce que c'est le jardin-forêt? Qui ne connaît pas le jardin-forêt? Le concept de jardin-forêt, il y en a qui ne connaissent pas. Bon, alors on va commencer déjà au début par expliquer plus ou moins ce que c'est. Ensuite, l'idée de la conférence, ça va être surtout de voir à partir du moment où on a installé un jardin-forêt, comment on peut s'en servir pour être le plus efficace possible et le plus productif possible en travaillant le moins possible. Alors, je vous explique pourquoi. Pas que je sois feignant, peut-être un peu, mais je suis pas sûr. En fait, j'ai plusieurs activités, comme l'a dit monsieur, j'ai plusieurs casquettes. Et j'ai pris ma plus jolie pour aujourd'hui quand même. Donc, je suis youtubeur, j'écris des livres, je fais des chroniques pour les radios. Voilà, je fais pas mal de choses, j'ai pas beaucoup de temps, je passe toutes mes matinées dans mon bureau et je travaille dans mon jardin que l'après-midi. À côté de ça, j'ai des problèmes, entre guillemets, de dos. Je ne vais pas travailler pendant 5 heures d'affilée dans mon jardin. Je travaille 5 jours par semaine, 3 heures par jour, à peu près. Et avec ce temps-là, j'arrive à entretenir... Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, présentement, je ne suis plus dans le même jardin. Je suis sur un autre nouveau projet que je suis en train de mettre en place. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un jardin sur lequel je travaillais, qui faisait 7000 m², sur lequel j'arrivais à avoir énormément de production de fruits, de légumes. Et à côté de ça, je suis pépiniériste et donc je faisais tourner une pépinière. Et avec cette pépinière, j'arrivais à rentrer des sous tous les mois. C'était mon activité professionnelle. Tout ça en y travaillant seulement 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment sur un jardin-forêt, on peut réussir à être productif. C'est un jardin-forêt, pour moi, professionnel, parce que j'étais pépiniériste, je m'en servais pour produire, mais ça va être quand même un format de jardin-forêt plus adapté aux particuliers, pas forcément au monde agricole, j'allais dire productiviste, mais aux plus gros agriculteurs. Autre question, il y a des agriculteurs dans la salle? Ouais. Une, deux. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tout ce qu'on va voir là peut s'adapter aussi au monde agricole. Vous allez voir déjà les surfaces de jardin-forêt qu'on peut faire et le type de production qu'on peut y faire. Avec un peu d'imagination, il n'y a pas beaucoup de limites. Allez, on va rentrer dans le sujet et on va commencer déjà par voir qu'est-ce que c'est un jardin-forêt. Donc, celui dont je vais vous parler le plus aujourd'hui, c'est celui-là. Ça, c'est celui sur lequel j'étais pendant 15 ans. Donc, je l'ai mis en place pendant 15 ans et j'étais pépiniériste là-bas. Là-bas, c'est le jardin-forêt des alvéoles. Il y en a sûrement qui connaissent les alvéoles dans la salle. Puis, je vais vous parler de plusieurs jardins-forêts et de plusieurs formats. Alors, avant de passer à la suivante, je suis censé vous expliquer ce que c'est. L'idée, déjà, ça va être de mettre en place un jardin, un écosystème qui va être productif et qui va se calquer sur comment ça se passe dans la nature. L'idée de base, c'est juste la nature fonctionne toute seule. La forêt, on ne l'arrose pas, la forêt, on ne l'entretient pas, on n'y met pas d'engrais, on ne va pas tailler les arbres, tout ça. Et pourtant, c'est productif. C'est d'ailleurs même l'écosystème le plus productif en biomasse qu'on a sur la planète. Après, ce que ça produit le plus, c'est du bois et du feuillage. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et l'idée, ça va être de capter les principes qui font que ça marche dans la nature, de les appliquer au système qu'on met en place nous, pour que ce soit le plus efficace, le plus productif possible, tout en nécessitant le moins d'entretien, le moins d'arrosage, le moins de fertilisation possible. Enfin, le moins, moi perso, je ne fertilise pas, ça s'auto-fertilise. Alors, l'idée, ça va être de mélanger les écosystèmes. Quand on parle jardin-forêt, souvent, une des premières questions, une des premières réactions qui vient, c'est « Ah oui, mais dans un jardin-forêt, on ne peut pas faire de légumes, parce que les légumes, sous les arbres, ça ne pousse pas. » Alors oui, ça dépend, mais en général, c'est vrai que sous les arbres, ça ne pousse pas. L'idée, ça va être de mettre en place plusieurs types d'écosystèmes, de mettre en place des zones avec des arbres, des zones avec des buissons, mais aussi de laisser des zones de clairière. Si vous êtes déjà baladé en nature, vous avez dû voir que dans la nature, il n'y a pas des arbres partout. Ça arrive qu'il y ait des clairières qui s'ouvrent, ça arrive qu'il y ait des zones de prairies. Et c'est toute cette diversité qui fait que ça tient la route et que ça reste en place. Toutes les espèces animales, fongiques, etc., ne vivent pas au même endroit. Il faut différentes zones pour qu'il y ait de tout. Et puis on va même voir que certaines de ces zones-là sont plus productives que d'autres. Et on ne va pas produire les mêmes choses dans chaque zone. Donc selon les besoins, selon les productions que vous avez envie de mettre en place et d'obtenir, vous ne ferez pas le même jardin-forêt. Alors, ça, c'est le genre de jardin-forêt qu'on peut faire chez un particulier. Et ce genre de jardin que, perso, j'appelle ça un jardin-forêt. Les agriculteurs, ceux qui veulent plus baser le projet sur de la productivité, quand on leur parle de jardin-forêt, ça, ils disent c'est bon pour les petits jardins, mais en agriculture, on ne fait pas ça. En agriculture, on va plutôt faire ça. Soit c'est ce qu'on va appeler de l'agroforesterie. Je ne suis pas sûr que ce soit très juste, mais moi, perso, dans ma tête, jardin-forêt, agroforesterie, ça veut dire la même chose. On n'est juste pas sur le même format, on n'est juste pas sur le même objectif de production, mais on est sur le même concept de réalisation, on est sur le même principe de fonctionnement. L'idée, ça va être de mélanger les productions, mélanger les hauteurs de végétation, pour qu'un écosystème particulier se mette en place. Alors, au niveau de la surface, moi je parle de petits jardins, mais ça peut aller très loin. Ça, c'est le plus petit jardin-forêt établi, presque abouti, je dirais, que j'ai pu visiter. Il fait 75 mètres carrés, c'était dans le nord de la France. Et voilà, on voit, ça a été compliqué de prendre la photo parce que c'est tellement petit, il n'y a pas beaucoup d'endroits d'où on peut le voir en entier, mais on voit, voilà, on voit que c'est très, très... très végétalisé. Un peu plus grand. Vous avez peut-être déjà entendu parler du jardin des fraternités ouvrières. Si vous avez l'occasion d'aller en Belgique, visitez ça. Il fait 2000 mètres carrés. Je m'y suis perdu la première fois que j'y suis allé. Donc c'est très, très, voire trop végétalisé. Mais ça tient sur 2000 mètres carrés. Et au niveau du nombre d'espèces différentes, je crois qu'il y a plus de 2000 arbres différents. Voilà. Par contre, il n'y a pas beaucoup de production sous les arbres. Il y a beaucoup d'arbres qui souffrent parce qu'ils sont trop les uns sur les autres. Et là, récemment, ils l'ont fait évoluer. Ils ont supprimé quelques arbres pour ouvrir des clairières. Et du coup, sous les arbres, c'est devenu très, très productif. Donc, c'est intéressant aussi. Et au niveau surface, c'est vraiment pas très grand. Et le plus grand et le plus abouti que j'ai visité, il y en a qui reconnaissent ça ? Bec et Loen, non ? Voilà. C'est la forêt gourmande. Donc lui aussi, il a écrit des bouquins sur le jardin-forêt, c'est passionné aussi. Il est immense, hein, voilà, sa maison qui est là-haut. Là. Voilà, c'est assez énorme, j'y suis allé juste une journée, on n'a pas eu le temps de tout visiter, loin de là. Donc au niveau surface, on peut tout faire. Moi je dirais la seule limite, il faut au moins un bout de sol. Quelqu'un qui veut faire un jardin-forêt sur un balcon, le sol est très important. Donc sur un balcon, ça marche moins. Qu'est-ce qu'on peut produire dans un jardin-forêt ? D'ailleurs, le nom aussi qu'on donne est intéressant. Moi, j'appelle ça jardin-forêt. Il y en a qui vont appeler ça forêt-jardin. Moi, perso, je préfère mettre jardin en premier parce que c'est vraiment l'idée. Moi, je fais un jardin. Certains vont partir d'une forêt, faire une forêt cultivée, vont appeler ça forêt-jardin. Et d'autres vont appeler ça forêt comestible, forêt nourricière, forêt fruitière. Perso, c'est des appellations qui, pour moi, ne donnent pas la globalité. là, on est vraiment sur l'alimentation. On peut faire de la forêt, un jardin forêt pour produire du fourrage pour les animaux. On peut faire un jardin forêt pour produire du bois de chauffage, du bois d'œuvre. L'idée, c'est d'installer un écosystème qui fonctionne tout seul et qui produise ce qu'on a envie d'y produire. Mais on n'a pas forcément envie d'y produire de la nourriture. Bon, 99% des gens veulent produire de la nourriture. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur la photo? Voilà, moi, j'ai une basse-cour dans mon jardin forêt. On peut y faire des champignons. Cette photo-là, elle est intéressante. Ça, c'est le jour où je suis allé visiter le jardin forêt de Fabrice Desjours. C'était en, je ne sais plus quelle année, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, une des plus grosses sécheresses et canicules qu'on ait eues. C'était sec que ça n'en pouvait plus. Cela dit, en demi-heure de balade dans le jardin, on a récolté de quoi se faire un super repas. Des fruits, des légumes, des feuillages, des fleurs. Voilà, donc même en cas de sécheresse, c'est très intéressant. Donc là, on va parler production maintenant. Et on va voir quelle est, selon vous, la strate la plus productive. Il y en a qui ont une réponse, qui imagine quelle est la strate la plus productive. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question avant? C'est quoi les strates? Alors, en jardin forêt, on va parler de strates. Ça veut dire c'est les niveaux. Si on part du bas, on va avoir tout ce qui est plantes herbacées. Quand il n'y a pas les arbres, on va aller vers la prairie, donc on va avoir des plantes herbacées, des plantes un peu plus... Alors quand on dit herbacées, c'est les plantes qui ne font pas de bois, qui disparaissent à l'hiver. Après, des plantes un peu plus lignes, il va y avoir des buissons, il va y avoir des arbustes, il va y avoir des arbres. Il va y avoir des plantes couvre-sol en plein soleil, d'autres couvre-sol sous les arbres. Donc voilà, il y a plein de catégories de plantes et chaque plante va être à une place différente, ça va être organisé. Je vous laisse réfléchir. Du coup, quelle est la strate la plus productive maintenant? Les pommiers? Ah. En bas? En haut? Non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi non. Et la réponse, elle est là. La strate la plus productive, ça va être la strate herbacée au niveau du sol. Pourquoi? Vous voyez comment ça fonctionne? Une vigne, un pommier, un arbre fruitier? Combien de fois par an on récolte une production sur un pommier? Une fois. Combien de fois on récolte dans son potager, sur une même zone, combien de récoltes il y a à l'année? Alors, s'il y en a un qui me sort un chiffre, il est fort, parce que ça dépend. Mais disons qu'au potager, sur une même zone, on va démultiplier et on va enchaîner les productions tout au long de l'année. Et c'est là où vraiment on peut mettre le boost. Alors, c'est là qu'on va rentrer du coup vraiment dans le sujet que j'aborde. Là, jusque-là, c'était tout le sujet que vous trouverez dans mon premier livre où j'établis vraiment les bases du jardin forêt, comment mettre en place un écosystème. Et une fois que l'écosystème le plus naturel possible il est en place, hein, à partir de là, on va pouvoir commencer à obtenir des productions et à booster ces productions. Et c'est vraiment sur la strate herbacée qu'on va pouvoir booster les choses. Puisqu'une fois que les arbres sont en place, une fois que les buissons sont en place, éventuellement, tous les ans, on va tailler les branches pour avoir plus de production. Les petits fruits, on va les tailler aussi. Mais c'est tout, il n'y a pas plus de choses à faire. On ne va pas renouveler les plantations d'arbres. Par contre, au niveau de la strate herbacée, là, il y a des choses vraiment sur lesquelles on va pouvoir s'amuser. Alors, on va parler de productivité. Et pour être productif, il y a plusieurs choses à voir. Allez, je vous les sors toutes d'un coup. Alors, sur la conférence, on va parler surtout de l'organisation, de la fertilité. La biodiversité, je vais essayer d'être rapide là-dessus, même si c'est mon sujet préféré. Et un autre truc qu'on oublie souvent, c'est comment être productif, c'est surtout pas gaspiller ses productions. Donc ça, on ne va pas en parler pendant la conférence, mais savoir que ça, c'est super important. Imaginez, vous avez un jardin avec 3, 4, 5 pommiers. C'est pas énorme, hein, 5 pommiers. Un pommier qui produit 300, 400 kilos de pommes. Donc faites le calcul, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces pommes? Donc souvent mettre en place un jardin forêt, c'est assez énorme, assez impressionnant la quantité de choses qu'on peut produire. Par contre, si on ne les utilise pas, ben, c'est dommage. Donc c'est souvent la partie la plus compliquée. Je pense que sur le jardin forêt où je suis, je dois, moi perso, récolter, utiliser, consommer peut-être 20% de ce qui produit. Du coup, quand il y a des pommes, quand il y a certaines plantes qui poussent, des fois, j'appelle les copains pour leur dire « Là, il y a ça à récolter, venez chercher parce que moi, j'en ai trop pour moi. » Le jardin fait 7000 m², c'est pour une personne, même pour une famille, c'est énorme. Allez, on va commencer par la biodiversité. Alors, je mets « bio » entre parenthèses, parce que biodiversité, c'est vraiment la vie sauvage qui est importante dans le jardin. Mais autre chose qui est importante pour qu'un jardin soit résilient et productif, c'est la diversité des productions. La monoculture, on est vraiment à l'opposé du jardin résilient. Si vous avez une seule production d'arbres fruitiers et qu'il y a une gelée tardive qui vous crame vos fleurs, vous aurez zéro fruit. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs types de productions. Une expression qui représente un peu ça, c'est on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Comme ça, s'il y a un panier qui tombe, on a les œufs qui sont dans les autres paniers qui survivent. Donc l'idée, ça va être d'avoir le plus de production possible pour qu'il y ait toujours des choses qui fonctionnent. Un agriculteur qui subit une gelée tardive, qui subit une canicule, il vous en parle, il l'a subi. Moi, dans mon jardin forêt, quand il y a des gelées, quand il y a un climat qui va faire quelques dégâts, oui, ok, cette année, il y aura peut-être moins de prunes, cette année, il n'y aura peut-être pas de pommes, cette année, il y aura peut-être certaines choses qu'il y aura moins, il y aura quand même tout le reste. Donc, tous les ans, il y a quand même des productions jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'un jour, on ira tellement loin avec l'évolution du climat que ça sera plus compliqué. Biodiversité, ça va aider à gérer tout ce qui est maladie, tout ce qui est ravageur. Sur cette photo-là, je ne sais pas si vous voyez bien là où vous êtes. En gros, c'est une feuille, c'est un piment. Je ne sais pas si vous voyez des pucerons. Il y en a quelques-uns là qui sont encore vivants. Tous les pucerons que vous voyez là, ils sont tout gonflés là. Ça, c'est parce qu'ils sont parasités. Il y a des guêpes parasitoïdes qui pondent à l'intérieur des pucerons. Si vous voyez des pucerons parasités comme ça, là, vu la quantité de pucerons parasités, tous les autres pucerons qu'il y a autour, ils ont déjà des larves à l'intérieur. Vous avez vu Alien ? Vous avez aimé le film Alien ? Vous savez que, je ne sais plus comment il s'appelle, le réalisateur, il s'est inspiré de ces bestioles-là pour inventer la bestiole qui sort du ventre. C'est horrible, hein, ça, c'est trash quand on regarde comment ça se passe, mais du coup, ça arrive partout dans la nature. Ça s'appelle des parasitoïdes, c'est des parasites dont les larves vivent à l'intérieur de leurs hôtes sans forcément les tuer. Ouais, ils se nourrissent des organes de réserve. Une fois qu'ils sont adultes, ils sortent. Et bon, selon les familles, après, ça se passe différemment. Mais l'hôte ne meurt pas forcément, contrairement au film. Il y a une autre bestiole qu'on a là. C'est une larve de cirfe. Voilà. Les pucerons, c'est les bestioles, pour moi, les plus intéressantes pour observer comment la nature peut réguler les choses. Vous savez que dans la nature, il n'y a pas de pullulation. Vous saviez ça, qu'on peut se vanter d'être les inventeurs de la pullulation. Dans la nature, ça arrive qu'il y ait des hausses de population de certaines espèces qui sont généralement très vite suivies de hausses des populations des prédateurs des précédentes. Et il y a des cycles comme ça tourne. Par contre, une espèce qui se développe au point de ravager un écosystème, donc une culture, dans la nature, ça n'existe pas. Et si ça existe, c'est que c'est une nature qui a été un peu perturbée. Dans la vraie nature sauvage, ça n'existe pas. La biodiversité, ça va aussi servir à avoir de meilleures productions. L'abeille qui est au milieu, je ne sais pas s'il y en a qui font des courgettes, des concombres. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des petites courgettes toutes rabougries. On vous a dit pourquoi elles étaient toutes rabougries comme ça. C'est juste que ça a été mal pollinisé. Donc s'il n'y a pas assez d'abeilles, pas de pollinisation. Il y a certains pays, je crois en Chine, où ils pollinisent à la main parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles. Donc voilà, avoir de la biodiversité, avoir une ruche dans son jardin ou juste laisser la place aux espèces sauvages, ça permet d'avoir de meilleures productions aussi. Alors, les photos du bas, c'est pour parler de la biodiversité. Nous, on la voit au-dessus du sol, mais sous-sol, c'est énorme aussi ce qui se passe sur nos pieds. Là où il y a le plus de biodiversité, là où il y a le plus de vie, c'est sous les chaussures, on le piétine tous les jours. Et c'est passionnant quand on commence à s'y intéresser, à voir ce qui se passe dessous. Et en plus d'être passionnant et d'être joli à observer, c'est grâce à ça que nos plantes poussent. On va parler de la fertilité tout à l'heure, mais la fertilité est très liée à la biodiversité qu'on a dans le sol. Un sol vivant est forcément fertile. Un sol qui n'est pas vivant ne peut pas être fertile puisque c'est la vie qui fait la structure, c'est la vie qui fait la minéralisation et donc le dégagement de fertilité dans le sol. Un sol vivant, c'est fertile. Alors, l'autre chose qu'on va voir maintenant, sur la biodiversité, on a vu, si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment on aménage le jardin forêt. Je vous disais tout à l'heure, plusieurs façons de faire selon les objectifs. Là, déjà, on voit entre les alvéoles et Fabrice Desjours, vous voyez la différence d'objectifs. Là, on voit que c'est aligné, donc là, on est sur de la productivité. Là, c'est pas aligné et c'est très diversifié. Là, si je devais donner un mot, là, il y a des producteurs, là, il y a un collectionneur. Et si vous allez visiter chez eux, vous allez voir que c'est exactement ça. Donc, aucune limite, toujours l'imagination. Il y a deux façons, je dirais, de faire les choses. Donc, ces deux qu'on vient de voir ici. D'un côté, ça va être un îlot. Donc, un îlot, comment définir un îlot ? Imaginons, vous avez un grand terrain, vous ne savez pas comment l'imaginer, comment le cultiver, comment le designer, le dessiner. Ben, allez vous balader dessus, vivez votre terrain, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et baladez-vous sur votre terrain. Naturellement, on a toujours tendance à finir par passer par les mêmes endroits. Donc, quand vous allez vous balader et passer par les mêmes endroits, vous allez dessiner des zones. Et ça, c'est ce que j'appelle des îlots. Et sur chaque îlot, on va avoir des types de production différentes, on va s'adapter au terrain, on va s'adapter à pas mal de choses, mais ça va faire des îlots. L'autre organisation, ça va être de faire des haies. Donc c'est exactement ce qu'on a vu là. Là-bas, on est sur des haies fruitières, des lignes. Quand on veut produire, on fait des lignes, c'est toujours plus pratique. Et si on va chez des passionnés de jardin et qui veulent de l'esthétique, on va faire des haies plutôt rondes, on va faire des mandalas. Et quand on veut être productif, on s'aligne. Les deux ne sont pas incompatibles. Moi, sur le premier jardin que j'ai eu, près de ma zone de vie, c'était des haies, parce que près de ma zone de vie, je veux être productif. Et plus on s'éloigne, plus on va avoir des grands îlots. Et plus on s'éloigne, plus on va avoir des îlots sauvages. Alors, j'ai essayé de le dessiner, le jardin. Est-ce que je vous parle du mensonge de suite ? Allez, on va être honnête, direct. Ça, ce n'est pas vraiment le dessin de mon jardin. Je sais pas, vous avez vu la photo tout au début, là. Ça, c'est le dessin de mon jardin, comme je l'aménagerais si je pouvais reprendre tout depuis le début. Donc là, c'est ma serre principale de production. Là, j'ai des zones qui sont très productives, des pergolas. Là, j'ai une autre serre sans la bâche sur laquelle je fais pousser des courges parce que c'est très productif sur une serre. Je vous montrerai, il y a quelques photos tout à l'heure. Dans la réalité, cette serre-là, elle est ici. Elle est très, très loin de l'endroit où ça peut être efficace. Mais une fois que c'est mis en place, c'est compliqué à déplacer. Donc, un truc qui peut être intéressant, c'est quand même de réfléchir un petit peu à où on met les choses et faire un peu de... Alors, en permaculture, on dit design, si le mot vous dérange. Mettez organisation dans le temps et dans l'espace. C'est plus long à prononcer, mais peut-être on va c'est plus clair. Et donc, dans cette organisation, on va parler de zonage. Vous avez, alors, à main levée, il y en a qui connaissent la permaculture ? Oui, oh, pas mal quand même. Et tout le reste, vous ne connaissez pas. Vous n'osez pas lever la main. Alors, le design, le zonage, on va dire, la zone 0, c'est la zone centrale. Donc moi, ma zone 0, c'est vraiment là où je vis. Ensuite, la zone 1, c'est la zone dans laquelle on va deux fois par jour. La zone 2, c'est la zone dans laquelle on va presque tous les jours. La zone 3, c'est la zone dans laquelle on va presque toutes les semaines. Zone 4, on y va tous les mois. Et zone 5, on n'est pas censé y aller. C'est la zone sauvage. Ou en tout cas, on y va, mais pas pour travailler. On y va pour observer. Et il faut un peu de tout. Là, c'est dessiné en rond, mais ce n'est pas forcément concentrique. Moi, ma zone 1, elle est juste là, comme ça. Là. Zone 2. Peut-être qu'il y a des zones 3 et zone 5. Je n'ai pas de zone 4, parce que le terrain n'est pas assez grand pour ça. Mais ce n'est pas forcément concentrique. Alors, en quoi ça va être intéressant de travailler sur ce zonage ? Si vous avez un terrain sur lequel les choses sont déjà en place, si vous avez un poulailler, par exemple, votre poulailler, combien de fois par jour on y va ? Une, deux. Alors, quand je pose des questions, vous saurez que la bonne réponse, en général, c'est plutôt « ça dépend ». Si vous avez une porte automatique au poulailler, on peut y aller qu'une fois par jour pour ramasser les œufs. S'il faut ouvrir et fermer, on y va deux fois par jour. Alors imaginons, si vous n'avez pas la porte automatique, vous y allez deux fois par jour, donc le poulailler il est en zone 1. L'idée, ça va être que la zone 1 soit le plus petite possible, parce que si sur tous les endroits de zone 1, on va deux fois par jour, ça fait beaucoup de déplacements, donc il faut que ce soit petit. L'exemple que j'aime bien donner, c'est le poulailler. Vous y allez deux fois par jour, le poulailler il est à 25 mètres de la maison, ça fait 36,5 km par an, juste pour aller ouvrir et fermer le poulailler. Parce qu'il est à 25 mètres. Si vous l'avez plus près, vous faites moins de déplacements. Imaginez si vous avez un jour une petite serre ou un châssis que vous voulez mettre en place. Pareil, on va ouvrir le matin, on va fermer le soir. On ne va pas le mettre à 25 mètres et on ne va surtout pas le mettre à 25 mètres de l'autre côté. Parce que là, du coup, c'est 70 km qu'on fait par an. Alors souvent, on me répond, ouais, mais ça fait faire du sport. Alors, l'hiver, quand il neige, qu'il fait froid, qu'il pleut, vous avez envie de faire ce sport-là tous les jours ou des fois, on n'a pas envie de rester au chaud? Là, vous êtes obligé de le faire. Donc non, si vous voulez faire du sport, vous y allez quand vous voulez. S'il faut y aller, le poulailler, on va quand même essayer de le mettre plus près. Cela dit, là où le design est intéressant, imaginez, vous avez déjà votre maison, vous avez déjà votre poulailler qui est à 25 mètres, on ne peut pas déplacer, c'est comme ça. Et vous avez donc envie maintenant de monter une serre. À quel endroit vous allez monter la serre? Soit près de la maison, comme ça on ne se déplace pas beaucoup, soit près du poulailler, soit n'importe où, entre la maison et le poulailler. Et comme ça, on ne rajoute pas de déplacement. Et donc, cette histoire de zonage va permettre de définir où on va placer ces éléments pour, à terme, se déplacer le moins possible. Et ça, c'est hyper efficace pour économiser les déplacements et le temps de déplacement. Ça, moi, j'aime bien l'appliquer aussi à d'autres choses. Quand je travaille à ma pépinière, j'ai ma table de travail, j'ai mes pots, mes étiquettes, mes crayons, mes bacs de trempage, mon terreau, j'ai tout qui est à portée de main. Tous les outils que j'ai besoin d'utiliser tous les jours, plusieurs fois par jour, il ne faut pas que je fasse plus de 2 mètres pour les attraper. Si un outil que j'ai besoin tous les jours, il faut que je fasse 10 mètres pour aller le chercher et 10 mètres pour aller le ranger, je perds du temps en le faisant. Vous voyez l'idée? Donc ça va être d'être le plus efficace possible dans son travail. Après, ceux qui travaillent avec moi savent que je ne range jamais les outils. Mais bon, voilà, personne n'est parfait. L'idée, c'est d'essayer de l'être, pas forcément d'y arriver. Bon, le petit dessin qui est en haut, là, je vous l'ai mis. C'est juste des petits rappels des principes de permaculture. C'est des petites règles que, si on essaye de les respecter, on arrive à être plus efficace. Si vous avez des questions sur la permaculture, on verra, on y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas le sujet. Là, on va dire que la conférence, ça va être, vous connaissez la permaculture, vous savez ce que c'est un jardin forêt maintenant, et maintenant, on va voir, une fois qu'on connaît ça et qu'on est en place, c'est quoi les petites astuces pour être plus efficace, mieux organisé. Bon, il y a plein de choses que je pourrais vous raconter sur le plan, là, mais on va voir au fur et à mesure. Alors, je vous ai parlé de zone 1 à 5 par rapport au déplacement. Le sujet il est clos, on va parler d'un autre type de zonage. Ça, c'est un type de zonage perso. Vous ne trouverez pas ça dans, j'allais dire, pas dans les bouquins, mais si, il y a un bouquin dans lequel vous le trouverez. Mais ça, c'est mon organisation. Moi, j'ai 3 types de zones. Les zones sauvages, qui ne sont pas les zones 5 de permaculture sur lesquelles on ne va pas. Les zones sauvages, c'est des zones sur lesquelles je vais récolter, je vais aller mettre des choses en place. Mais une fois que c'est planté, une fois que c'est en place, j'y vais juste pour récolter de temps en temps. Il y a des endroits où je vais ramasser de l'ail des ours, il y a des endroits où je vais ramasser du houblon, il y a des endroits où je vais ramasser des asperges, de la rhubarbe. Ça, une fois que c'est en place, il y a zéro entretien à faire. Il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Le titre, c'est « Des légumes toute l'année sans rien faire ». C'était tellement énorme que j'ai rajouté « presque sans rien faire ». Mais c'est pas presque, c'est vraiment sans rien faire, mais c'est tellement énorme que les gens n'y croient pas et j'ai eu beaucoup de critiques sur ça. Donc j'ai mis le presque. Mais en vrai, les asperges, j'en mange tous les ans. Je vais jamais entretenir mes asperges. C'est juste au printemps, je sais, oh, là il y a les asperges, il faut aller les ramasser. Mais une fois que c'est en place, si l'écosystème autour de l'asperge il fait en sorte qu'elle ne se fasse pas envahir par autre chose, l'asperge va continuer à produire tous les ans. Il faut juste qu'il y ait de la végétation qui empêche qu'il y ait des plantes plus grosses, qu'il n'y ait pas de ronces qui arrivent, qu'il n'y ait pas d'autres choses qui arrivent et qui prennent la place de l'asperge. Donc pour ça, on va y mettre... Alors soit, moi, c'est au pied d'un muret en pierre, donc les pierres empêchent qu'il y ait trop de choses qui poussent. À côté, il y a de la rhubarbe, à côté, il y a d'autres plantes couvre-sol et des asperges poussent toutes seules, vraiment toutes seules, tous les ans, et j'en ramasse tous les ans sans rien faire. Donc voilà, les zones sauvages, c'est des zones qui, une fois qu'elles sont mises en place, elles produisent des choses. Alors, ça ne produit pas de la tomate, ça ne produit pas du concombre ou de la courgette, on est d'accord, hein. Mais il y a quand même pas mal de choses qui en sortent. Ensuite, il va y avoir les zones à faible entretien. Des zones à faible entretien, c'est les haies fruitières, par exemple. Donc, ce que j'appelle faible entretien, c'est tous les hivers, je vais tailler mes arbres fruitiers. Tous les hivers, je vais tailler mes petits fruits. Une ligne de petits fruits de... Allez, qu'est-ce que j'ai comme référence? Une ligne de petits fruits qui va faire 10 mètres, c'est taillé en 2 heures. Donc... Ce n'est pas un gros travail, parce que ces 2 heures-là, c'est une fois par an qu'il faut le faire. Et après, l'autre temps qu'on va passer sur ces petits fruits, c'est, alors j'allais dire peut-être le désherbage, mais désherbage, c'est juste, si vous avez du stock de feuilles mortes, du stock de broyats, de déchets verts, tout ça, vous allez juste en faire un tas au pied des petits fruits, et l'enherbement, il n'y en a pas, normalement. Ou éventuellement, vous pouvez planter des couvre-sols, vous pouvez planter de l'ail des ours sous les petits fruits, vous pouvez planter du fraisier, vous pouvez planter de la consoude. Et ces plantes-là vont faire qu'il n'y aura plus de désherbage à faire. Si la consoude prend trop de place, de temps en temps, on la taille et on la laisse au sol, ça fait du paillage. Ce n'est pas un énorme temps de travail. Et l'autre temps, ce qui prend vraiment le plus de temps, c'est la récolte. Ça va, ce n'est pas le pire. Voilà, donc zone à faible entretien, une fois que c'est en place, une fois que c'est taillé et un minimum entretenu, c'est pas mal productif. Et ensuite, les zones intensives, c'est les zones sur lesquelles je vais quand même tous les ans rajouter une grosse couche de compost, de broyat. C'est les zones sur lesquelles je vais... Je vais essayer de nourrir un minimum avec de la biomasse. Je vous parlerai tout à l'heure de comment je nourris mes zones de culture avec du feuillage frais qui va se décomposer sur la zone. C'est ça ma fertilisation. C'est des zones, des fois, sur lesquelles je vais mettre de l'irrigation. C'est un goutte à goutte que j'utilise pas forcément tout le temps. Mais c'est les zones sur lesquelles voilà, je booste vraiment les productions. Et c'est les zones sur lesquelles il va y avoir des productions qui vont tourner beaucoup dans l'année. Comme je vous disais tout à l'heure, la zone herbacée, les plantes herbacées, c'est vraiment les zones les plus productives. C'est pas parce que ces zones-là sont intensives que les cultures tournent tous les ans, qu'il n'y a pas d'arbres, qu'il n'y a pas de buissons, qu'on n'est pas un petit peu en mode forêt. Par contre, il y a beaucoup plus d'arbres ici, il y en a un peu moins là, il y en a beaucoup moins là, mais il y en a quand même. Des arbres, il y en a toujours un peu partout. Alors, notre truc qui est super important, c'est l'accès à l'eau. Je dis souvent, le facteur limitant, c'est l'eau. Si vous avez un terrain sec et que vous n'avez pas un puits, un ruisseau, un forage, du stockage d'eau. Alors, stockage d'eau, il faut voir s'il dépend du captage d'eau. Beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, je vais mettre des cuves d'eau. Mais comment tu les remplis, tes cuves d'eau? Si c'est avec des toitures, combien de surface de toiture vous avez? Si vous avez 50 mètres carrés de toiture, calculez par rapport à votre pluviométrie annuelle, ce n'est pas la peine de mettre des cuves trop grosses parce que vous ne les remplirez pas de toute façon. Donc voilà, stockage d'eau est important. Là, les points rouges, c'est toutes les zones où, dans mon jardin, j'ai des cuves d'eau. Si je suis dans mon jardin, on va encore parler de déplacement, si je suis dans mon jardin et que je dois arroser des plantes, je ne veux pas faire 20 mètres pour aller remplir une cuve, pour aller remplir un arrosoir. Là, dans ma serre, par exemple, en vrai, je crois que j'en avais encore un petit peu plus que ça, des cuves. Voilà, toujours une cuve à portée de main pour pouvoir aller remplir les arrosoirs et pas trop perdre de temps à se déplacer. Des robinets un petit peu partout pour pouvoir remplir les cuves. À certains endroits, je n'ai même pas besoin de robinet. Ça, c'est un système que j'ai mis en place il y a pas mal d'années, qui marche assez bien. Mon terrain est légèrement en pente, c'est pour ça que d'un côté, les cuves sont un peu enterrées et elles sont un peu surélevées au-dessus, enfin sur les parties basses, elles sont un peu surélevées, pour être toutes de niveau. Elles sont toutes raccordées par un tuyau, ce qui fait que quand il pleut et que sur ma toiture, il y a de l'eau qui coule, ça remplit mes cuves, par vase communicant, vous voyez, c'est par le tuyau, toutes les cuves vont se remplir en même temps. Ça veut dire, là, les cuves que j'ai dans la serre, quand il pleut, je n'ai pas besoin d'aller tirer un tuyau, quand il pleut, elles se remplissent automatiquement. Si vous faites le calcul, là, imaginons que chaque cuve fait 500 litres. La cuve que j'ai dans la serre, elle fait 1500 litres, entre guillemets, on pourrait dire. Au fur et à mesure qu'on va prendre de l'eau dans cette cuve, ça va récupérer l'eau des autres cuves et du coup, on va économiser du temps puisque je sais qu'à chaque fois qu'il va pleuvoir un minimum, les cuves se remplissent toutes seules. Je n'ai pas besoin de perdre de temps à aller allumer un robinet, remplir mes cuves. Et voilà, j'ai énormément de réserves. Donc, là, le dessin est simplifié. En vrai, j'ai beaucoup plus de cuves qui sont connectées. J'en ai tout autour de mon bâtiment et qui vont me remplir tout un tas de cuves que j'ai dans la serre. Le fonctionnement, c'est pas compliqué. C'est des tuyaux comme ça. Je suis pas plombier, je suis pas un expert. C'est juste des tuyaux à raccorder. Ça marche tout seul. Alors, l'accès à l'eau, c'est intéressant. Après, le but, c'est aussi d'économiser l'eau. Alors, moi, j'ai deux techniques qui marchent assez bien pour économiser l'eau. C'est, j'ai toutes mes plantes dans du sable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez les pépiniéristes. L'idée, ça va être que tous les pots sont plantés sont posés sur du sable. Le sable va agir de plusieurs façons pour économiser l'eau. Déjà, moi, l'idée qui m'a donné, enfin le truc qui m'a donné cette idée, c'est j'ai une aspersion dans ma serre. Vous avez déjà vu ça dans des serres, des asperseurs qui envoient de l'eau. C'est super intéressant pour des cultures en pleine terre. Par contre, pour des cultures en pot, toute l'eau qui tombe à côté du pot n'arrose pas le pot. Donc, c'est de l'eau qui est perdue. Pareil, quand on arrose à l'arrosoir, toute l'eau qui tombe à côté du pot, c'est perdu. Donc là, l'idée du sable, ça va être justement de retenir cette eau et de faire en sorte que les racines puissent aller puiser dedans. Non, j'avais une photo où je montrais le système racinaire d'une plante quand elle est dans du sable. Donc les racines vont, au lieu de s'enrouler dans le pot, ça évite aussi les chignons racinaires, les racines vont aller dans le sable et vont avoir énormément plus de réserves. Alors c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas forcément déplacer les pots, mais voilà, ça fait économiser de l'eau, ça fait économiser du temps d'arrosage. Ça, moi, je l'explique en donnant le temps d'arrosage que je passais. Dans ma serre, qui faisait 250 m², je passais en plein été, en période sèche, en moyenne, d'entre 2 heures, 2h30, 3 heures par jour pour arroser. Ça, c'est un exercice qui est intéressant. L'idée, ça va être de réfléchir, de calculer combien de temps vous passez sur certaines activités. Et c'est sur les activités sur lesquelles vous passez le plus de temps que vous pourrez économiser, gagner du temps en vous organisant mieux. Donc, avant de développer ce système-là, 2 heures, 3 heures par jour en plein été pour arroser, depuis que j'ai mis mes plantes dans des bacs de sable, j'ai arrosé une demi-heure tous les 3 jours. Donc, voilà, j'ai gagné énormément de temps. Ah oui, l'ombre aussi. Ouais, la deuxième photo, c'est l'ombre. Plus vous avez d'ombre dans vos jardins, moins vos plantes souffriront du sec et moins vous aurez besoin d'arroser. On va parler fertilité. Vous connaissez un peu la fertilité, vous savez comment ça fonctionne, la vie du sol, tout ça. C'est pas forcément un sujet évident. Alors, j'ai développé le triangle de fertilité, c'est un sujet que j'ai développé quand j'étais pompier. Il y a le triangle du feu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Triangle de fertilité, pour qu'un sol soit fertile, moi quand j'étais pompier, on m'a expliqué pour éteindre un feu, il y a 3 choses à faire. Il y a un feu pour brûler a besoin de combustible et de comburant et d'énergie d'activation. Si vous supprimez un des 3 points, vous supprimez le combustible, vous supprimez le comburant ou il n'y a plus d'énergie d'activation, le feu s'éteint. Et moi j'ai développé ça par rapport au sol. Donc un sol pour être fertile, il va avoir besoin de 3 choses. Et si vous avez une de ces 3 choses qui manquent, le sol ne va pas être fertile. Ces 3 choses, elles sont compliquées à séparer les unes des autres, donc on va essayer de les décortiquer un peu. Mais il faut savoir que les 3 sont très imbriquées. Donc il va falloir que le sol soit structuré, aéré. Il va falloir que le sol respire. Un sol compact, ça ne marche pas. Donc une bonne structuration. Si vous avez un sol argileux, un sol limoneux, un sol qui a été beaucoup travaillé avec des engins lourds, qui a été piétiné par des animaux, le sol va se compacter, ça ne respire plus. C'est comme un animal, si on ne respire pas, ça ne marche pas. Ensuite, il va y avoir la réserve du sol, la réserve de matière organique, la réserve de nourriture. Un sol riche en matière organique, c'est ça qui est fertile, puisque c'est ça que les bactéries vont manger, vont grignoter et vont minéraliser. Je ne sais pas si vous comprenez ce terme de minéralisation. La minéralisation, c'est vraiment prendre les molécules organiques du sol et les séparer les unes des autres et les rendre accessibles aux plantes. Donc, plus il y aura de matière organique dans votre sol, plus la vie du sol pourra la minéraliser, à condition que le sol soit structuré pour que ça puisse respirer. Et donc, matière organique à digérer, structuration pour que ça respire, et le 3e point, c'est la vie du sol. Dites-vous que si vous supprimez un des 3 points, vous pourrez avoir le sol le plus structuré du monde et le plus riche en matière organique. Si le sol est mort, s'il n'y a pas de vie, ça ne marchera pas. Un sol plein de vie, structuré, mais sans matière organique, hein, un sol, vous voyez les sols agricoles très labourés, tout blanc, là, tout clair, eh ben, si on ne met pas d'engrais, ça ne marche pas. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait tout. Un sol vivant, riche en matière organique, sur lequel vous passez avec des engins lourds parce qu'il y a des travaux ou les tracteurs, si ce n'est pas labouré, si ce n'est pas aéré, ça ne marche pas. Alors attention, je ne dis pas que le labour, c'est bien. Hein. Je suis contre le labour. Mais dans certains cas, si ça permet d'aérer une bonne fois pour toutes un sol, ça va permettre de le rendre fertile, donc ça peut aider. Donc ce triangle de fertilité, il va permettre juste de voir quels sont les 3 points sur lesquels on peut tirer pour que ce soit fertile. Et on n'est pas obligé de tirer sur les 3 points pour que ça marche. Hein. Observez, regardez votre terrain, vous, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous avez en place, et voyez sur quel point il faut tirer. Si vous avez un sol avec une terre qui est sombre, une terre qui est presque noire parce que c'est un ancien sol forestier ou c'est un vieux potager qui a été travaillé depuis longtemps, il n'y a pas besoin de rajouter de matière organique. Peut-être qu'il suffit juste de l'aérer un petit peu. Peut-être qu'il suffit juste d'y ramener de la vie. Alors, comment on ramène de la vie dans un sol? Comment on rend un sol vivant? Ce n'est pas compliqué du tout. Je vous laisse juste essayer de donner deux, trois réponses pour voir. J'essaie de reboire un verre d'eau en même temps. Alors, comment on ramène de la vie dans un sol? Alors, on le nourrit. Alors, ça, c'est ramener de la matière organique. Mais c'est la matière organique, ce n'est pas la vie. La vie, alors, qu'est-ce qu'il y a de vivant dans un sol? Voilà. Ça, c'est la première réponse qui vient. Et pourtant, c'est très, très, très, très secondaire. C'est hyper important. Hein. Il y a, je ne sais pas combien, c'est plusieurs dizaines, presque centaines de tonnes de vers de terre à l'hectare dans un sol riche en vers de terre. Et pourtant, c'est très secondaire, les vers de terre. Alors, de quoi se nourrissent les vers de terre? Voilà, c'est ça qui est important. Les bactéries, les champignons, les nématodes, c'est encore un autre type de vers. Tout ce qui est arthropode, il y a plein de petites bestioles qui vivent dans le sol. Tout ça, c'est important, tout ça, c'est une interaction. Et le but de tout ça, de toutes ces bestioles-là qu'il y a dans le sol, ça va être de manger la matière organique pour la fragmenter, la casser en morceaux de plus en plus petits. Donc, on ne va pas donner de nom trop compliqué, on va dire les grosses bêtes cassent les gros morceaux en plus petits morceaux, les petites bêtes cassent les petits morceaux en morceaux encore plus petits, c'est bien, hein ? Et à terme, à la fin, on va avoir les bactéries qui vont, elles, arrêter de casser un morceau plus petit, parce qu'il n'y a pas de morceau plus petit. Au bout d'un moment, ça finit juste par devenir des ions. C'est ça qu'on met dans les engrais solubles. Des ions qui, eux, vont être absorbés par les plantes. Donc, ce qui va faire la fertilité, c'est la bactérie, les bactéries, les champignons un petit peu aussi, qui vont aussi minéraliser d'autres choses, mais c'est les bactéries. Par contre, les bactéries, pour fonctionner, elles ont besoin de tous les autres au-dessus. Et comment on fait pour que les bactéries et tous les autres au-dessus soient présents? Une fois qu'on a ramené de la matière organique et qu'on a structuré le sol, qu'est-ce qui va... Alors, les bactéries, j'ai dit qu'elles nourrissaient les plantes, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'autre sens. Les plantes nourrissent les bactéries aussi. Si vous voulez qu'un sol soit riche et soit plein de vie et qu'il y ait plein de vers de terre, il va falloir qu'il y ait plein de bactéries. Et pour qu'il y ait plein de bactéries, il va falloir y mettre plein de plantes. Ce qui apporte la nourriture de base dans le sol, c'est les végétaux. Vous connaissez la photosynthèse? La photosynthèse, c'est on utilise le soleil pour produire une réserve d'énergie. Cette réserve d'énergie, c'est du sucre. Et ces sucres, en s'assemblant, vont donner toute la matière qui constitue les végétaux, tous les acides aminés, tout le reste. Ça, c'est les seuls êtres vivants au monde qui sont capables de fabriquer ça, c'est les plantes. Donc, si vous voulez avoir un sol riche, vivant, fertile, il va falloir commencer par y mettre des plantes. Et quand on veut commencer, qu'est-ce qu'on y met comme plante? On ne s'embête pas à commencer à faire des cultures compliquées. On va faire ce qu'on appelle des engrais verts, des couverts végétaux. Alors, je vais vous donner, pour moi, la méthode, mais qui va être après adaptée à plein, plein de types de sols différents. On ne va pas faire les mêmes choses, mais imaginons, vous avez un sol qui n'est pas structuré. On va faire le pire, hein, le sol qui est argileux, calcaire. Il y a plein de gens qui me disent, moi j'ai un sol difficile, c'est argileux, calcaire. C'est les meilleurs sols, hein, c'est juste les plus difficiles, c'est les meilleurs sols. Vous avez un sol argileux, calcaire, qui est compacté, dans lequel il n'y a pas de matière organique et il n'y a pas de vie. Donc là, le triangle, il n'y a rien du tout. Donc, trois choses à faire. Première chose, la structuration. On va passer, soit c'est un grand terrain, on va passer avec un tracteur et une sous-soleuse, soit c'est un petit jardin, on fait à la grelinette. À la grelinette, vous allez aérer et juste rajouter de l'air dans le sol. On va rajouter de la matière organique. Moi, ma méthode, c'est broyat de déchets verts. Ça coûte, j'en ai acheté 10 tonnes pour 250 euros. Si vous avez vraiment besoin de rendre un gros terrain fertile, c'est très accessible financièrement. Après, si vous avez une ferme à côté, si vous avez du fumier, si vous avez du compost, si vous avez une forêt à côté avec des feuilles mortes, voilà, rajoutez une grosse quantité de matière organique. On a aéré, on a mis la matière organique et ensuite, on sème un couvert végétal. Donc, ça peut être un mélange de trèfle, de luzerne, de sarrasin, de sainfoin. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut y mettre. L'idée, c'est de mettre le plus de choses possible. Rappelez-vous, tout à l'heure, je disais, un des trucs qui fait que ça marche, c'est la biodiversité. Et dans biodiversité, il y a surtout diversité. Couvert végétal, mettez-y le plus de plantes possible. Et une fois que ça, c'est en place, l'idée, ça va être de ne pas revenir compacter derrière et de faire en sorte que ça reste végétalisé le plus longtemps possible. Et une fois que c'est en place, à partir de là, on va pouvoir commencer des cultures un petit peu plus compliquées, un peu plus gourmandes. Voilà, ça c'est la base de la fertilité du sol. Maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est comment le sol dégage cette fertilité? Quel type de matière organique donne quel type de fertilité qui va être accessible à quel type de plantes que vous allez vous adapter à ce que vous voulez cultiver? On va rester quand même sur la strate herbacée, les légumes, et voir comment nourrir ces plantes qui sont gourmandes. Parce que là, on parle vraiment de plantes gourmandes. C'est celles-là les plus gourmandes. Vous voyez, vous connaissez un petit exercice, vous voulez un petit exercice pour savoir comment on définit si une plante est gourmande ou pas? Parce qu'un arbre fruitier, combien de gens ont déjà planté un arbre fruitier en se disant, tiens, on va y mettre du compost, on va faire un gros trou et on va mélanger du compost avec la terre? Il y en a qui ont déjà fait ça, là? Ouais. Mais un arbre fruitier, à quel moment c'est une plante gourmande? Qu'est-ce qui vous fait imaginer qu'un arbre fruitier, c'est gourmand? Et on ne se pose pas la question, c'est juste on fait du potager, on fait du jardin, une tomate, une courgette, c'est gourmand, on fait un arbre fruitier, c'est une plante, c'est gourmand. Non, toutes les plantes ne sont pas gourmandes. Pour savoir si une plante est gourmande ou pas, il y a un exercice qui est assez simple. Imaginez la plante, imaginez le volume que fait la plante et imaginez le volume de ses productions. Et ça va mieux, je peux me lever. Voyez le volume que représente une tomate et sur toute une saison, représentez-vous le volume de fruits qu'elle va produire. À côté, vous allez mettre un chêne et voyez le volume que fait le chêne et mettez à côté le volume de fruits qu'il va produire. Le chêne, c'est énorme et ça fait, même quand ça fait beaucoup de glands, ça fait une quantité de glands comme ça. Une courge, certaines courges font des fruits énormes, mettez le volume de la courge et mettez le volume de fruits à côté, c'est énorme. Pour produire tout ça, ça c'est gourmand. Ça, c'est une plante gourmande. Un arbre fruitier, un petit fruit, un buisson, toutes les plantes qui ne font pas forcément de gros fruits ou beaucoup de végétation, ce n'est pas des plantes gourmandes. Il y a un autre groupe quand même. Vous savez que les plantes font des mycorhizes au niveau des racines. Vous voyez les mycorhizes? Il y en a qui ne connaissent pas les mycorhizes, à main levée. Les mycorhizes, c'est l'association entre les plantes et les champignons. Et il faut savoir que 99% des plantes font des mycorhizes au niveau de leurs racines. Donc les plantes s'associent avec les champignons. Les plantes produisent du sucre grâce à la photosynthèse, nourrissent le champignon. Et le champignon, lui, il va chercher des matières nutritives et il donne ça à la plante. Donc c'est très efficace et la plante n'a pas besoin d'être super balèze pour aller chercher de la fertilité parce que le champignon le fait. 99% des plantes le font. Les 1%, ben celles-là aussi, elles sont gourmandes. Ces 1%, dans ce groupe-là, on va avoir par exemple les brassicacées, les choux, les navets, les radis. Ça aussi, c'est des plantes gourmandes, mais on n'a pas la même logique par rapport à la production de fruits, parce que ça ne fait pas tant de production. Mais par contre, quand on sait que c'est les seules plantes qui ne font pas de mycorhizes, et qu'on sait pourquoi, vous savez pourquoi elles ne font pas de mycorhizes, ces plantes? Parce qu'elles ont eu l'habitude de pousser dans des sols tellement fertiles, elles ont évolué et elles sont nées, entre guillemets, dans des sols tellement fertiles, qu'elles n'ont pas eu besoin de faire cet échange avec les champignons. Elles font l'économie de l'échange avec le champignon parce que la fertilité est tellement facilement accessible qu'on n'a pas besoin. Donc si vous voulez cultiver des choux dans vos jardins, ben là, ça, c'est des plantes gourmandes. Il va falloir que les sols soient très, très riches pour que ça pousse. Il y en a qui ont essayé de faire pousser de la rhubarbe et qui n'ont pas réussi à avoir de beaux pieds de rhubarbe. Ouais, c'est fréquent. Cet exemple, je l'ai vécu aussi. J'ai testé un jour... je vous donnerai peut-être un exemple tout à l'heure, mais j'ai testé un jour de cultiver un pied de rhubarbe sur une ancienne zone à compost. Allez, en 3 mois, après plantation, les feuilles faisaient 1,50 m d'envergure, alors que j'avais à côté des pieds de rhubarbe plantés au milieu d'une pelouse qui, même au bout de 3-4 ans, les feuilles n'étaient pas plus grosses que ça. Enfin, c'était ridicule. Donc voilà, la rhubarbe fait aussi partie d'une famille qui ne fait pas de mycorhizes. Donc une fois qu'on connaît ces groupes de plantes-là, on sait qu'elles sont gourmandes. Donc maintenant, pour les plantes gourmandes, c'est là qu'on va voir comment on peut booster cette fertilité. Votre sol, j'aime bien... Tiens, on va faire ça. Imaginez que votre sol, votre potager, votre jardin, votre sol, c'est votre animal de compagnie, c'est votre glouton. Il va falloir penser à nourrir le glouton. Il y a deux types, on va dire, de matières organiques. Il va y avoir les matières organiques plus ligneuses, hein, si vous mettez du broyat de bois... Tout ce qui est très ligneux, tout ce qui est noir, c'est de la matière organique qui est difficile à décomposer. C'est les champignons qui vont décomposer ça. Ça va apporter de la fertilité lentement. Enrichir son sol en matière organique, faire en sorte que le sol soit riche en matière organique, c'est de la fertilité sur le long terme. Ça va faire qu'il n'y aura pas besoin de s'embêter beaucoup pour que le sol soit fertile. Par contre, ça ne va pas donner un sol hyper fertile pour des plantes gourmandes rapidement. Pour que ça marche rapidement, ça sera plutôt des matières vertes, des matières fraîches. Les déchets de cuisine, les épluchures de légumes, tout ça, la tonte de pelouse. Vous savez, tout ce truc, si vous le mettez en tas, vous mettez la main dans le tas, le lendemain, c'est chaud à l'intérieur. Vous voyez ça ? Ça, c'est parce que ça se décompose très très vite, ça vit très fort dedans et ça dégage très vite de la fertilité. Si sur votre sol, tiens, j'ai mis le petit fin d'azote là pour penser à vous raconter cette histoire. Vous voyez ce que c'est la fin d'azote ? Et je vous parlais de cette histoire de fin d'azote et vous allez voir au final comment ça marche. Donc, il y en a qui ne voient pas ce que c'est la fin d'azote ? Ouais. La fin d'azote, c'est ce qui se passe dans un sol quand certaines personnes parlent de BRF. Par exemple, BRF, c'est le bois raméal fragmenté. C'est du broyat de bois avec du feuillage et des écorces, des bourgeons. C'est quelque chose qu'on va amener au sol qui va se décomposer, ça va se faire manger par les champignons et ça va finir par apporter beaucoup de fertilité au bout de quelques semaines, quelques mois. Mais par contre, juste après qu'on l'ait apporté, il va y avoir une baisse de fertilité parce que toute l'azote qui est présente dans le sol va être mobilisée par les bactéries qui vont se développer dans ce qu'on vient d'apporter. Et ces bactéries vont finir par manger ce qu'on vient d'apporter. Mais plus tard, pour l'instant, elles ont juste besoin de se multiplier. Et pour se multiplier, elles vont prendre l'azote qui est dans le sol. Et c'est pour ça qu'on dit que ce problème de fin d'azote, ça va arriver si, imaginons, on a un potager, on veut faire des cultures et on apporte beaucoup de matière organique et on veut faire pousser des légumes dedans et en fait, ça ne pousse pas parce qu'il n'y a plus d'azote dans le sol parce que cet azote est mobilisé par les bactéries qui se multiplient pour décomposer tout ça. Ça arrive uniquement dans des sols sur lesquels le triangle de fertilité il est tout petit. Imaginez, on revient en arrière sur ce sol argilo-calcaire, compact et pas très fertile. On va décompacter, on va apporter de la matière organique, on va végétaliser. On va se dire que là, au début, il y a une fin d'azote, ça ne marche pas. Mais une fois que c'est en place, ce problème de fin d'azote, en fait, ne va plus arriver si on arrive à le maintenir en place. Et c'est pour ça que j'aime bien donner cette image de glouton. Imaginez votre glouton sur un sol compacté, pas très vivant, pas très fertile. Le glouton est là, il est maigre. Si vous le nourrissez d'un coup, vous allez faire grossir votre glouton, vous allez créer un sol qui sera fertile, sur lequel vous allez pouvoir cultiver des plantes gourmandes. Et à partir de là, une fois que ce glouton est nourri, il va falloir régulièrement apporter de la matière organique fraîche. C'est pour ça que je vous montrerai juste après, moi, dans les cultures que je mets en place, je crée de la biomasse. J'ai des zones de production de biomasse, c'est-à-dire des végétaux qui poussent beaucoup, qui poussent vite, que je peux faucher, sur lesquels je peux récupérer du feuillage pour aller mettre sur mes zones de culture pour nourrir mon glouton, pour nourrir mon sol. Et si le sol et si le glouton est nourri régulièrement, à aucun moment il y aura de baisse de fertilité. La fin d'azote sur un sol vivant, sur un sol structuré, sur un sol riche, la fin d'azote, ça n'existe plus. La fin d'azote, c'est valable une première fois au début sur un sol qui n'est pas fertile. Donc si quelqu'un, un jour, vous dit « Ah, t'apportes beaucoup de matière organique, fais attention à la fin d'azote », dis-lui « Non, non, moi, la fin d'azote, c'est fini, il n'y a plus de problème avec ça ». La fin d'azote n'existe que sur les sols qui sont pauvres à la base et qui ne sont pas assez régulièrement nourris. Donc, visualisez ce glouton, faites en sorte que votre sol soit structuré, riche en matière organique, plein de vie, et surtout faites en sorte qu'il le reste. Parce que, imaginons que vous ne le végétalisez pas, petit exemple, fin de saison, là, maintenant, les tomates, les courgettes, ça y est, ça vient de geler, là, il n'y en a plus. On fait quoi ? On met un paillage sur le sol, et au printemps, on va y remettre des tomates. Et pendant tout l'hiver, pas de végétation. Pendant tout l'hiver, il pleut, il neige, il y a de l'eau qui passe dans le sol, ça lessive, plus de fertilité. Et au printemps, on apporte de la matière organique, et rebelote, refin d'azote. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver pour que ça reste vivant ? Normalement, si vous avez suivi tout ce que j'ai dit jusque-là, on végétalise le sol. Fini les cultures de printemps, d'été, d'automne, c'est terminé. On met un engrais vert, on met un couvert végétal, on laisse ça en place pendant l'hiver. Et au printemps, ce couvert végétal, alors ça peut être ce mélange de plantes, ça peut être haut comme ça, très très dense. On fauche tout, on laisse tout au sol. Et après, on va planter nos tomates là-dedans. Et là, je peux vous garantir que c'est fertile. Et il n'y a pas de fin d'azote, ça marche dès le début. Donc voilà, imaginez votre glouton et dites-vous que ce glouton, pour que ça soit fertile pour vos plantes, il va falloir le nourrir le plus régulièrement possible. D'ailleurs, vos fins de culture, là, les tomates, les courgettes, quand c'est terminé, si vous n'avez plus besoin de les avoir sur vos zones de culture pour semer autre chose, ne les amenez pas au compost. Laissez-les juste dans l'allée sur le côté, laissez-les se décomposer sur place. On ne perd pas de matière organique, on en rapporte un petit peu, mais on ne va surtout pas enlever de matière organique de la zone de culture, c'est dommage. Voilà, pour les bases. Alors, maintenant, on va voir quelques aménagements. Ça fait une heure. Allez, j'ai 30 minutes pour vous parler de une douzaine d'aménagements. Si je n'ai pas le temps de vous parler de tout, ils sont dans le livre. Alors, création de biomasse, c'est des zones qui vont être uniquement destinées à produire de la végétation pour couper. Voilà. Et ces matières-là, c'est ce que je vais mettre. Alors, soit sur mes zones de culture, parce que j'ai besoin ensuite d'y planter des choses. Donc, imaginons, c'est en fin d'hiver. Là, ce n'est pas le cas, parce que là, c'est des élianthies, des topinambours, c'est bien développé. Là, c'est en plein été. Mais si c'est en sortie d'hiver et qu'il y a beaucoup de végétation, je vais le mettre sur les zones de culture. Ça va vite se décomposer. Et puis, j'ai plus qu'à écarter pour planter mes tomates ou mes légumes. Et ça va marcher. Si c'est des zones de culture, comme c'est le cas sur le moment de la photo, mes zones de culture, là, elles sont juste à côté ici, à ce moment-là, je vais les mettre dans l'allée sur le côté. On n'est pas... La vie du sol est mobile dans le sol. La fertilité est mobile. Les champignons qui vont faire des associations avec les plantes, elles vont chercher la matière fertilisée, enfin, la matière nutritive à un endroit et vont l'amener là où il y en a besoin. Donc même si c'est déposé dans l'allée et que c'est à quelques dizaines de centimètres des cultures, c'est pas grave, ça va finir par y arriver. Et on l'amène frais, surtout. Il y en a qui font des purins de plantes. Ouais. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps et vous essayez de faire quelque chose à la place de la nature, mais qui n'a pas besoin d'être fait comme ça. Juste pour vous représenter un peu ce qui se passe. Dans le sol, les plantes à portée fraîche comme ça, les feuilles qui tombent au sol, les branches qui tombent au sol, ça se fragmente, la vie du sol mange ça, ça casse ça en morceaux de plus en plus petits. Et puis à terme, c'est les bactéries qui vont minéraliser et qui vont donner ça aux plantes. À savoir que les bactéries sont aussi nourries par les plantes et que c'est une interaction qui est organisée. Les plantes savent dire, là j'ai besoin d'avoir ça, les bactéries le font, le donnent aux plantes, elles savent faire entre elles, ça marche. Par contre, nous, quand on fait du purin, tout ça là, qui va normalement se décomposer petit à petit, nous on le minéralise de suite et on l'apporte en masse d'un coup. Il y a deux risques. Un risque qui est plus grave pour vous et un risque qui est plus grave pour tout le monde. Le risque plus grave pour vous, c'est si vous en mettez trop, on vous dit déjà c'est 10%, hein, pas plus, hein. Alors moi déjà quand on me dit là il y a un produit c'est bien pour le jardin mais 10% sinon c'est sinon quoi, si t'en mets trop tu vas cramer tes plantes, t'as pas peur de mettre un truc comme ça dans ton jardin? Enfin, moi je mettrais pas ça, c'est dangereux, on peut faire cramer les plantes si on en met trop, jamais je vais mettre ça. L'autre risque c'est que, allez, peut-être vous n'allez pas cramer vos plantes, mais par contre ce qui n'est pas utilisé par les plantes ça va où? Ça descend. Alors il y a peut-être des choses qui s'évaporent et il y a des choses qui descendent en profondeur. Si ce n'est pas capté par les plantes, alors surtout l'azote, hein, l'azote c'est très mobile dans le sol, c'est pour ça que c'est surtout l'azote qu'il faut apporter, parce que ça se perd dans le sol. Et ça se perd, ça va où? Ça va dans les nappes phréatiques, ça va dans les rivières, ça fait ce qu'on appelle de l'eutrophisation, les marées vertes en Bretagne. Mais tout ça c'est le surplus d'azote. Alors, okay, ce n'est pas le petit jardinier qui met son purin sur ses plantes qui va polluer les nappes phréatiques. Mais il y a une perte quand même. Vous travaillez pour faire votre purin d'ortie qui va être perdu à côté. Alors que si vous mettez la matière organique directement sur le sol, tout va être utilisé, il n'y aura pas de perte. On ne s'embête pas à faire du purin, on met les plantes directement au sol, c'est efficace. Et en plus, on perd moins de temps. Et donc ça, moi, cette idée-là d'avoir des zones de biomasse à côté de mes zones de culture, je l'ai eue à côté du jardin des fraternités ouvrières, justement, en Belgique, où un maraîcher avait ses lignes de production maraîchère et le long de ces lignes, donc qui étaient tac-tac comme ça, il avait une longue ligne d'arbres fruitiers avec de la consoude en masse au pied de ces arbres. Et donc, régulièrement, il fauchait sa consoude pour aller mettre au sol sur ses zones potagères. Et c'était fertile que ça n'en pouvait plus. Voilà, donc ça peut être très efficace comme ça. Alors, il y a moyen de faire des zones de production de biomasse et au milieu de ces zones de production de biomasse, d'avoir des plantes alimentaires aussi. Moi, sur ces zones-là, j'ai des amandiers, j'ai des poirier, je crois, à côté aussi. Il y a quand même des arbres fruitiers qui sont là-dedans. Et quand je vous parle de plantes à production de biomasse, hein, les noms que je vous ai donnés depuis tout à l'heure, là, j'ai dit consoude, topinambour, élianthie, c'est aussi des plantes alimentaires. Donc, moi, je les utilise pour la biomasse, mais imaginons un jour, j'ai une famine qui arrive, hein, je ne suis pas sûr que ça arrive, mais si un jour j'ai faim, j'ai des topinambours sous sol aussi. Une zone sur laquelle il y en a qui ont déjà fait du topinambour, on les récolte, l'année d'après, il y en a quand même qui poussent. Hein. Même quand on les enlève, il y en a encore. Alors imaginez quand on ne les enlève pas. Et quand ça fait des années qu'ils sont fauchés, taillés tout le temps, tous les ans, là-dessous, je ne sais même pas combien de kilos de nourriture il y a, mais il y en a. Mais ce n'est pas pour ça que je cultive. Donc voilà, il y a un surplus de nourriture, comme je disais. bon, là c'est un dessin juste pour imaginer. Non, je n'ai pas le plan de plantation. Voilà, c'est le dessin pour imaginer un peu les cultures. dans le bouquin, si vous voulez aller feuilleter, vous verrez, j'ai vraiment donné les plans de plantation avec les distances de plantation pour avoir le plus grand mélange de plantes possible. En gros, ça va être en vivace, des consoudes, des hélianthies, des fois je mets des hémérocales. Dans les plantes plus grandes, je vais mettre des buissons, ça peut être caraganier, baguenaudier. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est des plantes qui sont fixatrices d'azote, ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin d'être nourries pour pousser, donc on peut les tailler autant qu'on veut. Sans fertiliser, ça reste très productif. Et au-dessus, on peut mettre du frêne, du polonia. En ce moment, je fais du polonia parce que ça produit beaucoup de biomasse. Voilà, toutes ces plantes, leur objectif, ça va être d'être taillées régulièrement pour apporter de la fertilité à côté. Et donc la fertilité sur les zones de culture, je vous parlerai de haies fruitières, mais déjà pour comprendre un petit peu le concept, on va parler d'îlot fruitier. L'îlot fruitier, au niveau de la taille, ça, imaginez que c'est un rond qui fait 1 mètre de diamètre. Alors, ce n'est pas exactement sur le même plan qui est fait celui-là, mais c'est juste pour voir l'idée. L'îlot fruitier, ça va être en gros cette zone de culture-là. Au milieu, la culture principale, ça va être l'arbre fruitier qu'on veut mettre en place. Vous savez qu'un arbre fruitier, quand on le met en place, c'est bien les premières années de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enherbement, que ça s'installe bien. Il faut au moins que les premières années, ça pousse bien. Donc, pour limiter l'enherbement, ben, c'est bien de mettre d'autres plantes qui vont prendre la place de l'herbe, qui va éviter que l'herbe revienne. Et donc, il va falloir des couvre-sols. Donc, sur ce premier rang, le premier rang-là, les croix sur les lignes, ça va être des consoudes. Après, la croix violette, ça va être une vigne. Là, ça peut être un cassis, là, ça peut être une groseille. Sur l'extérieur, là, ça va être des consoudes, des hémérocales, ça peut être des mélisses, ça peut être de la menthe, si c'est une zone un peu plus humide. Voilà. Donc, sur un mètre carré, là, enfin, sur un rond d'un mètre de diamètre, c'est très, très dense. Ça fait beaucoup de plantes. Toutes les plantes qui sont entourées, là, c'est les plantes annuelles, parce que la première année, les plantes vivaces, elles ne sont pas encore énormes. Il reste de la place. S'il reste de la place, il faut y mettre quelque chose. Il y en a qui ont entendu parler d'agriculture syntropique ? Un peu, oui, quand même. Ça commence à être un peu à la mode. L'agriculture syntropique, c'est vraiment basé sur cette production de biomasse. L'idée, c'est qu'il y ait le plus de végétation possible. Et moi, je l'ai vu sur certaines cultures cette année. Et on a eu une petite sécheresse, une petite canicule cet été. J'ai des zones qui n'ont été pas arrosées pendant 10-15 jours. Les zones qui ont le moins souffert de la sécheresse, c'est les zones sur lesquelles il y avait le plus de végétation. C'est très, très contre-intuitif. Et même moi, après 15 ans d'expérience, j'ai quand même été surpris de me dire les plantes qui ont eu le plus soif, c'est les plantes qui avaient le moins de concurrence. Elles étaient toutes seules et pourtant, elles ont soif. Et là où il y a de la végétation en pagaille, là, ça n'a pas soif. Donc, l'idée de planter aussi dense, ça évite à l'arbre d'avoir trop soif. Ça, voilà, ça crée un microclimat là, sur cette petite zone qui va rester très humide. Donc là, ce qui va être entouré, là, ça va être du maïs, du tournesol. Moi, ça peut être quand je suis pépiniériste, ça m'arrive d'avoir des surplus. Je peux y mettre un concombre qui va couvrir le sol. Je peux y mettre un pied de tabac. Je peux y mettre voilà, plein de choses. L'idée, ça va être de végétaliser le plus possible. Et ensuite, une fois que ces plantes se développent, si à un moment certaines plantes risquent de concurrencer d'autres plus importantes, on les taille. Imaginons, j'ai mis maïs et tournesol et j'ai mon pied de cassis groseille qui est complètement sous la végétation. Le maïs, l'objectif là, c'est pas de le manger, c'est de produire la biomasse. S'il gêne, on le coupe. Bon, si on veut le manger, on peut couper le tournesol. Voilà, on va juste quand même faire en sorte de favoriser les plantes qu'on veut mettre en place sur du long terme et les autres sont juste là pour tenir compagnie. Quand elles gênent, elles dégagent. Voilà, pas de pitié. Et puis l'arbre, ça peut arriver qu'il y ait de la concurrence et qu'il soit à l'ombre. Pour les arbres, souvent, ce n'est pas gênant. Un arbre qui n'a pas de concurrence, il va pousser en largeur. Un arbre qui a de la concurrence, il va pousser en hauteur. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de végétation, ça va le pousser à filer vers le haut encore un peu plus vite. Il y a un autre truc qui peut être efficace aussi, c'est chez moi, j'ai beaucoup de problèmes de chevreuil. De sanglier un petit peu aussi, bon, c'est moins fréquent. Un pommier planté tout seul, il ne tient pas. Enfin, maintenant que les chevreuils savent qu'il y a des pommiers, il ne tient pas 3 jours. À la première nuit, le chevreuil, ça vient, ça grignote. Par contre, mettez des ronces, mettez des framboisiers épineux, mettez des choses un peu épineuses autour, le chevreuil viendra moins grignoter. Alors, c'est complètement autre chose, mais par exemple, moi, je me suis amusé à planter des arbres au milieu des ronciers. Vous voulez planter un arbre fruitier chez vous, vous avez un roncier quelque part, juste écarter les ronces un petit peu et aller planter l'arbre au milieu des ronces, c'est garanti que celui-là, il va mieux pousser que tous les autres. Déjà, il ne va pas se faire grignoter, et en plus, sous le roncier, ça, même, allez vous amuser chez vous si vous en avez, essayez de ramasser la terre dans l'allée, et faites attention à ne pas vous piquer, mais allez passer la main dans les ronciers et ramasser la terre sous le roncier. Dans l'allée, normalement, vous n'arrivez pas à la ramasser, il faut une pelle. Sous le roncier, la mer elle rentre dans le sol, c'est fertile, c'est grumeleux, c'est structuré. Là, au niveau triangle de fertilité, sous le roncier, on est au top. Donc, allez planter un arbre là-dedans, ça pousse très bien, très vite, l'arbre est protégé par les ronces. Et le jour où l'arbre est en âge de produire et qu'il fait de l'ombre, à ce stade-là, normalement, les ronces se sont écartées quasiment toutes seules. Donc, c'est assez efficace. Encore un peu ? J'en ai beaucoup. Donc là, vous voyez ce principe-là sur un petit rond d'un mètre carré. Si vous voulez planter une haie fruitière, ben, ça va être la même chose, mais sur assez long. Le temps, souvent, qu'on va passer à travailler, ça m'est arrivé d'accompagner des projets de jardin-forêt, ou des gens qui ont des projets qui m'ont demandé de l'aide parce qu'ils ne s'en sortaient pas, qu'ils passaient leur temps à désherber. Le désherbage, j'avoue, ce n'est pas le plus agréable à faire. Si on revient sur ça, là, si c'est très très dense au niveau des couvre-sols, s'il y a beaucoup de végétation, il n'y a pas de place pour l'enherbement. Si vous laissez des espaces libres, c'est là que l'enherbement arrive. Donc si c'est bien dense, normalement, il n'y a pas trop de désherbage à faire. C'est pour ça qu'un des principes en permaculture, c'est qu'on dit qu'il faut y aller petit à petit. Là, vous voyez le nombre de plantes sur une petite surface comme ça. Imaginez une haie fruitière de 5 mètres, 10 mètres. Imaginez quelqu'un qui veut mettre en place un jardin forêt sur 1000 mètres, 2000 mètres carrés, 1 hectare. Essayez pas de planter tout en même temps. Sinon, vos arbres, vous allez devoir désherber le pied des arbres tous les ans. Donc, allez-y petit à petit et multipliez vous-même les plantes pour avoir assez de plantes à mettre en place, pour avoir une densité qui fera que derrière, il y aura normalement moins de désherbage à faire. Alors les petits dessins. La haie fruitière, je vais passer, je vais aller sur les suivants parce que j'aurai pas le temps de tout vous dire sinon. Là, c'est juste pour vous dire, quand on dit haie fruitière, imaginez pas forcément quelque chose de tout droit. Là, les dessins qu'il y a là, c'est des idées de formes de haie qu'on peut faire. À savoir que c'est des simulations, hein, c'est pas des vrais. La seule qui est vraie, là, le seul aménagement que moi j'ai déjà fait chez moi, pour ceux qui me connaissent, ça va vite. C'est celui-là. Avec des coquelicots au milieu, des arbres fruitiers, bon bref. Mais voilà, j'ai pas de limite. L'idée, c'est que ce soit aligné pour que ce soit pratique, mais c'est pas obligé que ce soit tout droit. Et si vous avez de la pente, ben, alignez-vous sur les courbes de niveau et faites des choses jolies, mais efficaces. Alors, le légume vivace, ça, c'est le gros sujet central du livre. C'est vraiment sur ça que moi, je me suis basé pour avoir de la productivité. Ce que j'appelle un légume vivace, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas besoin de ressemer tous les ans. Sur le semis, il y en a beaucoup là. Tiens, on va faire un jeu. Levez la main tous ceux qui font des semis tous les ans pour faire du jardin. Ouais. Et levez la main maintenant tous ceux qui ratent certains semis tous les ans. Voilà, les mêmes, hein, normalement. Quand on fait du semis, c'est la base, on se rate. Est-ce que vous savez, ça vous est déjà arrivé de planter du topinambour, de l'hélianthie, des tubercules? Ouais. Alors, levez la main ceux qui ont déjà planté des tubercules et levez la main ceux qui ont déjà raté une plantation de tubercules qui ne s'apprend pas. Ah, oh, si, il y en a qui ont réussi. C'est rare. Bravo. Donc l'idée du légume vivace, ça va être justement d'éviter ce besoin de faire du semis et de repartir sur des bébés qu'il va falloir vraiment protéger. Un tubercule, même une pomme de terre, vous avez sûrement déjà vécu ça, on plante la pomme de terre, ça prend une gelée, le feuillage crève. Bon, mais c'est dommage, c'est raté pour le coup, et qu'est-ce qui se passe après? Ça repart. C'est pas raté, ça repart, c'est juste le tubercule, lui, il a de la réserve, le premier coup il est raté, on a encore de la réserve, ça repart. Donc l'idée du légume vivace, ça va être surtout de mettre en place quelque chose qu'une fois que c'est en place, ça tourne, on ne se rate pas trop et on ne perd pas de temps à refaire ses plantations, à refaire ses semis. Là, on est sur une planche, c'est pas exactement la même, mais voilà, c'est un peu l'idée. On va avoir hélianthie, de la livèche, du chou d'aubenton, l'autre côté j'ai des oseilles, alors c'est pas sur la même ligne, on va avoir de la rhubarbe, tous ces trucs-là, là. Une fois que la plantation est faite, dès la deuxième année, on récolte en continu toute l'année. On va tailler certaines plantes pour favoriser un petit peu les autres. On va faire en sorte que tout tient en place et ça produit tout seul. Le seul travail qu'on a à faire, c'est d'aller récolter et des productions, voilà, il y en a qui sont assez simples. Bon, s'il y a des questions, vous me le direz, parce que j'ai surtout envie de vous parler de celui-là, d'aménagement, qui est un de mes préférés et qui va être... On va pouvoir le moduler de plein de façons différentes. Alors, je suis pas bricoleur. Si, je suis bricoleur. Je suis ce qu'on appelle un bricoleur du dimanche. Vous voyez, c'est celui qui... J'ai un clou, une vis, un marteau, c'est bon, je me débrouille pour faire un truc. Je suis pas un architecte. Cela dit, j'arrive à faire des trucs qui tiennent debout. L'idée, c'est juste de réussir à avoir des supports sur lesquels on met des piquets, des traverses, des jambes de force pour que ça tienne debout. Et à partir du moment où on a une structure comme ça, sur cette structure-là, on va pouvoir faire énormément de choses. On va pouvoir faire des plantes grimpantes, mais pas forcément. On va pouvoir faire des plantes potagères classiques, mais qu'on va pouvoir cultiver un petit peu à l'ombre. Par exemple, de la courge. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous là, qui ont déjà cultivé des courges il y a 15-20 ans et qui en cultivent encore aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu la différence ? Vous vous rappelez, il y a 20 ans, une courge en plein été, les feuilles elles sont en plein soleil, elles sont ouvertes. C'était comme ça il y a 20 ans ou pas ? Là, aujourd'hui, les feuilles de courge en plein soleil, vous avez déjà vu ça ? Le soleil est assez violent, le climat est assez difficile, donc les courges en plein soleil, les tomates en plein soleil, pour moi, les seules plantes de plein soleil, c'est les méditerranéennes. La sauge, la sarriette, le thym, voilà, toutes ces plantes-là, en plein soleil, ça va. Les plantes potagères, mi-ombre, c'est très bien. Donc ce genre de structure-là, ça va pouvoir permettre de cultiver des plantes potagères, mais qui seront dans un milieu idéal. Je vous explique le fonctionnement de l'ombrière. Alors ça, c'est d'autres idées. Je dis, je suis un bricoleur du dimanche, mais même avec aucune base en architecture, on peut quand même réussir à faire des trucs qui sont assez jolis. Alors, le principe pour avoir de l'ombre, vous voyez cette structure, pas de traverse, pas de fil, rien du tout, c'est juste les montants, les arêtes sur lesquelles il y a du bois, sur lesquelles on va faire pousser de la vigne. Il y en a qui ont déjà fait, vous faites pousser de la vigne, vous voyez un peu le principe. Il y a plein de types de tailles très compliquées, et il y a une taille qui est très simple, c'est la taille en cordon. C'est la tige qui monte le long du poteau, qui va sur le long de la traverse. Tout ce qui pousse sur la base, on vire. Le but du jeu, c'est d'avoir juste du feuillage en haut. Et là, c'est l'ombrière qui se met en place au printemps toute seule et qui s'enlève toute seule à l'automne. On n'a pas besoin de la mettre, on n'a pas besoin de la laver, ça marche tout seul. Et en plus, elle vous donne du raisin. Et en plus, la vigne, ce n'est pas du tout compliqué à tailler. Il y en a qui se sont amusés déjà à faire de la vigne et qui se sont dit, bouh, la taille, c'est compliqué. On parle de la taille guyot, la taille... Il y a plein de tailles compliquées dans la vigne. On parie que j'arrive à... Alors, levez la main ceux qui ne savent pas tailler la vigne. Allez, il y en a quelques-uns. Je vous explique et je vous repose la question tout à l'heure. Alors, je vous sors déjà la phrase qui dit tout. C'est la vigne va produire du raisin. Sur la tige qui pousse va produire du raisin à condition que cette tige pousse sur une pousse de l'année d'avant. Donc déjà, imaginons, vous avez votre tronc, là, le vieux cep. Là. Tout ce qui pousse là-dessus, ça ne va pas faire de raisin. Donc, ce n'est pas la peine de les laisser. Donc, votre cordon, là, imaginons la tige de l'année qui pousse, cette tige de l'année, vous allez l'attacher ici. L'année suivante, donc, cette tige-là, l'année suivante, cette tige va produire du raisin. Ensuite, l'année suivante, tout ce qui va pousser sur cette tige va produire du raisin. Tout ce qui va pousser sur la tige de base, on n'en produira pas, donc on ne laisse pas tout ce qui pousse sur le vieux bois, on va juste garder ce qui pousse sur le jeune bois. Donc, à la fin de l'année, vos pousses qui ont produit du raisin, l'hiver, vous allez les tailler, mais vous ne les taillez pas complètement à la base. Vous allez laisser un ou deux bourgeons. Taille à un œil, taille à deux yeux, comme on dit. Voilà. Vous laissez un ou deux bourgeons, et ces un ou deux bourgeons vont faire des tiges qui vont produire du raisin. L'année suivante, sur ces tiges, vous allez laisser un ou deux bourgeons, c'est ça qui va produire du raisin. Et à un moment, ça, ça finit par devenir compliqué. Il y a beaucoup de bordel ici. Donc, l'année où on veut remplacer tout ça, comme je disais, ça arrive qu'il y ait des pousses qui viennent du tronc, là, ça ne produit pas de raisin, on les enlève, sauf si l'année suivante, vous voulez remplacer votre cordon. Là, vous allez laisser une tige pousser qui ne va pas faire de raisin, ce n'est pas grave, vous avez encore votre raisin ici, et l'hiver suivant, là, vous coupez, vous virez tout ça, et votre tige qui n'a pas fait de raisin, vous la mettez en remplacement, et on repart à zéro. Alors, qui ne sait pas tailler la vigne ? Pour voir, est-ce qu'il y a moins de mains levées là ? Il y en a encore deux, trois. Alors, on pourra faire une deuxième couche tout à l'heure autour du livre. Mais voilà, c'est pas compliqué du tout si on reste sur une taille en cordon comme ça, classique. Il y en a des plus compliqués, mais la base sur la vigne, c'est vraiment pas compliqué. Surtout qu'à la base, la vigne, c'est pas pour produire des raisins, c'est juste pour faire de l'ombre. C'est juste c'est une balle perdue, la production de raisins. C'est un acte secondaire, mais c'est intéressant, mais c'est juste pour faire de l'ombre qu'on fait ça. Et une fois qu'on a ces pergolas, avec la vigne qui pousse dessus, eh bien, on va pouvoir faire des cultures au pied de la pergola. La vigne, elle, sera plantée au bout, à l'extérieur de la pergola, pour ne pas faire de concurrence racinaire. La vigne, c'est un peu le parasol avec le pied déporté. Vous voyez ces parasols où le pied n'est pas dessous, le pied du parasol il est là et hop, le parasol il est à côté. La vigne vient vous faire de l'ombre, elle vient vous donner du fruit, mais elle ne fait pas de concurrence aux cultures. Les cultures, c'est sous la pergola et là-dessus, on va pouvoir y faire de la tomate. Et en plus, c'est pratique à la pergola au-dessus, on va pouvoir attacher la ficelle pour attacher la tomate. Au pied, on va pouvoir y faire tout un tas de choses. Voilà, bon bref, sous la pergola, vous allez pouvoir y faire des tas de cultures différentes. Dans le livre, je vous donne justement des idées de rotation, de légumes vivaces, mais à rotation. Légumes vivaces, ce n'est pas forcément des légumes qui restent en terre tout le temps. Le légume vivace que vous cultivez sûrement tous déjà dans vos jardins, c'est la pomme de terre. Vous aviez idée que c'était un légume vivace ? J'ai eu quelqu'un un jour qui m'a posé la question. J'expliquais un légume vivace et je disais juste on n'a pas besoin de repasser par la graine, ça peut être des tubercules. Et il me dit, du coup, à ce compte-là, même la pomme de terre, c'est un légume vivace. Ben oui, la pomme de terre, c'est un légume vivace. On ne passe pas par le semis. On ne rate pas un semis de pomme de terre. On met des tubercules. Et du coup, vous allez pouvoir faire de la patate douce, vous allez pouvoir faire de l'igname, vous allez pouvoir faire de l'oca, des crônes. Vous voyez ça, oca, crône, vous connaissez ? Alors, les crônes, en plus, ce qui est intéressant, et l'oca, et c'est pareil, un peu pareil avec le topinambour, c'est la première fois qu'on en fait, on en plante. Et puis à la fin de l'année, on récolte. Et à partir de la deuxième année, on ne fait que la récolte. La plantation, il n'y a pas besoin. La plantation, on l'a fait en oubliant de récolter certains morceaux. Je mets au défi quelqu'un de faire une culture de topinambour ou de crone ou d'Eliantique, de ces choses-là, et de réussir à tout récolter. Surtout que les crones du Japon, ça va mettre des tubercules vraiment très, très larges autour de là où on les a plantés. Donc voilà, c'est très pratique comme production. La pomme de terre, ça arrive même qu'on en cultive une année. L'année suivante, on va faire d'autres cultures. On va faire des salades, on va faire des radis au printemps. Mais autour de ces cultures, il y a quand même les pommes de terre qui sont là et qui donnent des productions alors qu'on ne les avait pas voulu. Une autre façon de cultiver sur les pergolas, ça va être de mettre au pied, entre les poteaux, de mettre un grillage pour y mettre des plantes grimpantes. On va toujours avoir la vigne qui, elle, est en haut. Pas de feuillage de vigne sur les parties verticales. Et la vigne, c'est vraiment le parasol au-dessus. Et sur les grillages, sur le grimpant, on va pouvoir y faire l'igname de Chine, c'est une grimpante, la glycine tubéreuse, l'haricot, orteil de prêcheur. Connaissez ça ? C'est un haricot, mais qu'on n'a pas besoin de ressemer tous les ans. La racine est vivace. C'est-à-dire, tous les ans, sans rien faire, on a juste à aller récolter nos haricots. Alors, c'est souvent un truc qui est reproché à certains légumes vivaces. Oui, le haricot orteil de prêcheur, c'est un peu moins productif que certains haricots qu'on doit ressemer tous les ans. Sauf que le haricot qui produit un peu plus, mais qu'on doit ressemer, ben on doit passer du temps à ressemer. Donc peut-être qu'on peut mettre le haricot, vous vous rappelez tout à l'heure, zone sauvage, zone, je ne sais même plus son nom, zone semi-intensive et zone intensive. Ben sur la zone intensive, on ne va peut-être pas faire du orteil de prêcheur, on va le mettre sur les zones un peu plus tranquilles où il pousse tout seul. Et dites-vous juste qu'il produit moins, mais il n'y a rien d'autre à faire qu'aller le ramasser celui-là. Et là où ça produit plus, eh ben vous allez cultiver peut-être un haricot un peu plus productif. Après, qu'il soit moins productif, ce n'est pas forcément gênant si on le mélange avec d'autres cultures. Voilà, un exemple de récolte, patate douce. Il y a le yacon aussi dans les tubercules. Vous connaissez le yacon ? Essayez. Une plante peut produire jusqu'à 7-8 kg de tubercules. Enfin, moi, mon record, c'est quasiment 8 kg sur une plante. Un plant, hein ? Le yacon, la poire de terre. Et à savoir que le tubercule... on ne peut pas le replanter, le tubercule, lui, il ne va pas pousser. Par contre, à la base de la plante, la souche de la plante, c'est plein de bourgeons qu'on peut séparer les uns des autres. Et en général, les grosses plantes, ces bourgeons-là qu'on sépare, on peut produire jusqu'à une cinquantaine de nouvelles plantes pour l'année d'après. Donc, vous avez un jour une poire de terre dans votre jardin. À la fin de l'année, vous avez 7 kg de tubercule, si ça s'est mal passé, et de quoi faire 50 plantes l'année d'après, qui vous donneront 50 fois 7 kg. À partir de là, on en a trop. Donc, il y a des plantes comme ça qui sont trop productives. Alors, d'autres idées. Donc, c'est un autre genre de pergola. C'est sur une serre sur laquelle je n'ai pas mis de bâche, sur laquelle on a juste fait grimper des courges. Voilà. Ça permet d'avoir en plus de la courge sous la serre une zone de production qui peut être un peu ombragée, qui peut être sympa. Je vais finir sur deux petites idées intéressantes pour avoir quelque chose de très productif. Ce que j'appelle la zone hyper fertile. Donc là, on est encore au-delà de la zone intensive. Là, c'est encore plus là. Imaginez, moi, ma zone à compost, c'est des palettes. J'ai mis donc un rang de palettes au fond, puis des palettes sur le côté, et je remplis mon compost à l'intérieur. Ça, c'est orienté nord. Plein sud, l'autre côté, derrière la palette, c'est là que j'y mets des rhubarbes, c'est là que j'y mets des plantes gourmandes. Et là, je vous garantis que les plantes qui vont avoir l'enracinement qui va aller sous le compost, là, c'est fertile que ça un peu plus. Et c'est bah, les plus belles rhubarbes que j'ai eues, c'est comme ça. Une autre méthode qui peut être intéressante, c'est vous faites du compost. Alors, soit vous avez, comme moi, une zone à compost qui est fixe et qui ne bouge pas, soit tous les ans, trouvez une zone sur laquelle c'est là que vous allez accumuler vos matières organiques, c'est là que vous allez faire du compost. Et l'année suivante, au printemps, quand vous mettez vos zones potagères en place, prenez ce compost pour aller le mettre sur les zones potagères. Et l'endroit où vous aviez le compost, une fois que vous avez tout mis en place, là, allez cultiver des choses. Là, moi, c'est ce que je fais. Déchets de tonte, déchets de désherbage. J'ai juste fait une grosse bande où j'ai accumulé toute cette matière organique. On n'est pas obligé de désherber, on n'est pas obligé de décompacter, on ne fait rien en dessous. Et juste, on accumule ça en tas quelque part. L'année d'après, ça sera une zone qui sera fertile que ça un peu plus. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça pour vous tonder l'herbe, vous avez plein de déchets, vous ne savez pas où les mettre. Dites-vous, où est-ce que j'aurai envie de cultiver des courges l'année prochaine? C'est là que vous allez les accumuler. Et l'année prochaine, il y aura juste à planter, ça sera propre, ça sera prêt, il n'y aura rien de plus à faire. Et voilà, ça c'est la photo de dos de ma zone à compost. Et moi avec une autre casquette. des zones hors gel. Tiens, est-ce qu'il y a des gens là parmi vous qui cultivent, qui vivent dans des zones dans lesquelles il fait trop froid pour cultiver certaines plantes que vous aimeriez cultiver? Par exemple, moi chez moi, de la chayotte, ça ne poussait pas, trop froid. La citronnelle de Madagascar, oui, cette graminée là qui ne tient pas. Alors si, elle tient le gel, elle tient moins 2, moins 3, mais sauf que chez moi, ça descend à moins 15. Donc pas possible. Eh bien, alors, si vous avez une serre, c'est encore plus, mais même sans serre, déjà, si vous avez des cuves d'eau. Alors, faites l'exercice, surtout là en ce moment, s'il neige un petit peu. Si vous avez des cuves d'eau dans le jardin et qu'il neige, allez observer autour de la cuve d'eau. En général, juste autour de la cuve, la neige a fondu et l'herbe est verte autour de la cuve. Et si vous avez cette cuve d'eau, s'il gèle, moi, chez moi, s'il fait moins 15, il y a une couche de glace comme ça dessus. La cuve est faite cette hauteur-là, il y a tout ça de hauteur d'eau. La couche est comme ça. Mais ça veut dire qu'en dessous, l'eau n'est pas gelée. Si vous avez fait un peu de physique chimie à l'école, vous savez que l'eau se gèle à 0 degré. Donc si en dessous de la couche de glace, l'eau n'est pas gelée, ça veut dire qu'elle est au-dessus de zéro. Elle n'est pas gelée. Donc autour de la cuve, on a une réserve, une masse de chaleur. Elle ne va pas dégager à 10 mètres la chaleur, mais juste autour de la cuve, il fait chaud. Alors, démonstration en image. Ça, c'est une citronnelle que je cultive, donc là où j'étais sur mon ancien projet à Vaour. Elle doit avoir une dizaine d'années. Il fait moins 15 l'hiver chez moi. Elle a une dizaine d'années, elle est productive qu'elle a un peu plus. Les feuilles vont geler pendant l'hiver, parce que l'air quand même est froid, mais la souche de la plante qui est vraiment au pied de cette cuve, elle ne gèle pas, et du coup, au printemps, ça repart très vite. J'ai essayé de cultiver de la chayotte, ça gelait tous les ans l'hiver parce que trop froid. J'ai testé un truc, c'est j'ai planté ma chayotte et là où j'ai mis la chayotte, j'ai posé une cuve dessus. Chayotte, chouchou, Christophine. Ouais, non, toujours pas. C'est un légume. C'est un légume grimpant, vivace. Mais alors, les parties aériennes disparaissent pendant l'hiver et la racine, elle survit à condition qu'elle ne descende pas en dessous de moins 5, moins 7 degrés. Donc si le sol gèle, la plante gèle. Mais si la souche de la plante est sous une cuve d'eau, ça survit. Donc voilà, si vous avez des plantes gélives, à côté d'une cuve d'eau, c'est bien. Et si en plus vous avez une serre, mettez des cuves d'eau dans la serre et plantez autour des cuves d'eau. J'ai du bougainvillier, j'ai de la passiflore, du tarot. Le tarot, vous connaissez ? Il y en a qui connaissent, mais pas grand monde connaît. Pourquoi on ne connaît pas ? Ben parce que ça ne pousse pas en France, il fait trop froid. Sauf autour d'une cuve d'eau. Voilà, des idées comme ça, il y en aurait plein. Savoir qu'avec un peu d'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Donc dans les jardins, vous allez pouvoir vraiment vous amuser, mais c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire. Donc j'aime bien cette idée de... C'est une symphonie, si on laisse faire, ça peut aller dans tous les sens, mais c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et comment ça va se passer. Merci. Merci Rémi pour tous ces partages et puis pour ta passion qu'on a bien ressentie pendant la présentation. Donc on va laisser un petit temps de questions-réponses. Voilà. Oui, bonjour. comment on peut démarrer un projet sur un terrain qui restait inculte longtemps, où les orties se sont bien, bien installées et où tout est vraiment maillé, très serré, avec des orties. Juste l'ortie ? Ouais. C'est génial. Oui, c'est génial, mais ça fait tellement de racines que je ne sais pas comment m'en débarrasser. Alors après, pour désherber, il y a moyen avec juste une bâche en plastique. Alors, il faut accepter des fois d'utiliser le plastique. Tu peux en récupérer gratuitement chez les agriculteurs, tout ça. C'est juste qu'il faut étouffer la végétation. Et déjà, au bout de 6 mois, 8 mois, tu vas pouvoir cultiver dedans. Il y en a qui veulent cultiver dès le début. Donc, tu peux aussi mettre des bandes de bâches sur ton ortie. Tu vas faucher ton ortie, laisser tout au sol pour que ça se décompose. Mais encore que, si l'ortie pousse, c'est que le sol est riche en dessous. Et mettre une bâche pour étouffer. Et puis, tu vas pas faire toute la surface en bâche. Ou alors, tu vas faire toute la surface, puis par endroit, tu vas faire des trous. Et dans ces trous, déjà, tu vas pouvoir y mettre des courges et tu vas pouvoir y mettre des plantes gourmandes, justement. Et une fois que tu as fini ta première année avec tes courges, tes tomates, tout ce que tu veux, tu enlèves tes plantes, tu enlèves ta bâche. Et normalement, là en dessous, il n'y a plus trop d'ortie. À partir de là, tu vas recommencer à bien couvrir avec paille, feuilles mortes, broyat, enfin ce que tu veux. Juste, faut continuer à étouffer parce que ça peut arriver qu'au bout d'un an, il y ait quand même des trous, des orties qui soient passées par les trous et qui aient un peu survécu. Mais à partir de là, il va falloir la maîtriser pendant un certain temps, arracher autant que tu peux. Mais déjà, le fait d'y mettre une bâche la première année et d'étouffer, tu vas en enlever 95%, peut-être plus. Et puis ensuite, c'est pas mal de désherbage, le jardin, pour certaines plantes comme ça. Mais l'idée, c'est quand même de faire évoluer le sol. L'exemple le plus facile, c'est avec le chiendent. L'ortie, c'est encore un peu différent et peut-être un peu plus difficile. Mais je donne l'exemple du chiendent et peut-être ça marchera un peu comme ça pour l'ortie. Le chiendent pousse dans des sols compactés, des sols mal structurés. Et souvent, ce qu'on fait avec le chiendent, c'est « Ah, oh, j'en veux pas, j'arrache ». Et puis, bon, allez, on va y planter deux, trois trucs, mais le chiendent, il revient. On l'arrache, il revient, on l'arrache, il revient. Et ça peut durer longtemps, hein, comme ça. Juste dites-vous que le chiendent est adapté à un type de sol. Et si vous l'enlevez et que vous ne faites rien, dites-vous que le chiendent, c'est votre pote, en fait. Il est là juste pour vous aider. Il vous dit, mais le sol, il est mal structuré, il n'est pas végétalisé, il va se barrer. Si c'est en pente, que vous enlevez le chiendent et qu'il y a une pluie, le sol se barre. Le chiendent, il est juste là pour vous dire, fais quelque chose, moi, en attendant, je le tiens. Donc, vous enlevez le chiendent, vous mettez de la matière organique, vous semez un couvert végétal bien dense, et le chiendent ne revient pas. Et s'il revient, vous allez prendre vos rhizomes, comme ça, vous tirez dessus, ça vient tout seul, et on met ça au compost ou pas, on le jette en surface à côté, on ne l'enterre pas quelque part, on le laisse en surface et il sèche. Et une fois que le sol a évolué, que le sol est riche en matière organique, qu'il est structuré, qu'il est bien végétalisé, le chiendent n'aime pas ce genre de sol-là et du coup, il ne revient pas. Pour l'ortie, le problème, c'est que c'est des sols riches qu'ils aiment bien et l'idée, c'est aussi d'avoir un sol riche, donc le sol va continuer à lui correspondre un petit peu. Donc, une fois qu'on l'a bien étouffé, il va peut-être falloir continuer à arracher un peu. Et puis voilà, à savoir que ça se mange l'ortie, donc dès que ça pousse, on l'arrache, on la mange. S'il n'y en a pas trop, c'est gérable. Mais l'idée, ouais, c'est un bâchage pour étouffer au début. Après, moi, quand je désherbe, je me suis vite aperçu que la plupart des gens qui venaient m'aider des fois à travailler ne savent pas désherber. Quand on désherbe, c'est pas, on ne va pas sur sa zone à arracher ses plantes. On prend une grelinette, une fourche, on aère la zone. Et ensuite, comme ça, quand on prend le chiendent, il faut vraiment qu'il y ait tout qui vienne. Quand on prend l'ortie, il faut vraiment qu'il y ait tous les rhizomes qui viennent. Et une fois que c'est fait, on végétalise avec autre chose. Si tu l'enlèves et que tu laisses la place libre, que tu lui laisses la possibilité de revenir, elle va revenir. Essaye un couvert végétal très dense, plus haut que l'ortie, et qui pousse plus vite que l'ortie. Il faut trouver le moment où l'ortie ne pousse pas trop vite. Là, par exemple, maintenant, je pense que l'ortie va être un peu plus en dormance. Tu peux semer un couvert végétal de fèves-rôles, de quelque chose qui l'hiver va prendre la place. Et au printemps, si la place est occupée, l'ortie ne reviendra pas. Ce n'est pas la plus facile à l'ortie, mais mon jardin, il n'y en avait pas beaucoup qui poussaient. Ça fait partie des plantes que j'ai implantées, j'ai semées, j'en ai balancé des graines partout parce que je l'aime bien celle-là. Du coup, je n'ai pas beaucoup de techniques pour m'en débarrasser. Il y a d'autres questions ? Oui. Oui, tu disais qu'il fallait éviter l'enherbement autour des arbres. Et c'est quoi qui est gênant dans l'enherbement ? Alors, quand je dis enherbement, c'est vraiment l'herbe, la graminée. À savoir qu'une graminée prend à peu près 10 mm d'eau, 10 mm de pluie. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez des pluviomètres chez vous, si vous voyez ce que c'est 10 mm. Sinon, vous voyez ce que c'est un arrosoir de 10 litres et 1 mètre carré. Ben, 10 mm, c'est un arrosoir sur un mètre carré. C'est-à-dire, si vous avez de l'herbe, vous allez mettre un arrosoir de 10 litres sur un mètre carré. S'il y a un arbre planté dessus, les racines de l'herbe sont au-dessus des racines de l'arbre. Si vous mettez 10 litres sur cette zone, l'herbe a pris toute l'eau, votre arbre n'a pas été arrosé. Donc, on essaye de limiter les graminées. Si vous avez déjà des graminées, que vous avez déjà essayé de désherber des graminées, alors, à part le chien dedans, c'est un peu différent, mais une touffe de graminées, si vous arrachez la touffe de graminées, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient? Une boule de terre avec la racine. Ça a une racine, un système racinaire très, très dense et qui prend énormément d'eau. Donc, il faut juste éviter les graminées. Ça veut dire que tu peux mettre de la consoude, ça veut dire que tu peux mettre des fraisiers, ça veut dire que tu peux mettre n'importe quel autre type de plante, hein, artichaut, rhubarbe, n'importe quelle plante qui soit plus basse que ton arbre. Il ne faut pas faire de concurrence à l'arbre. Il faut juste que ce soit autre chose qu'une graminée. Et si tu veux être un peu plus technique, il faut juste que ce soit autre chose qu'une plante qui a un système racinaire fasciculé. Ça peut être des systèmes racinaires traçants, ça peut être des racines pivots, mais juste pas de plantes qui ont des racines trop denses. Ou alors, il va falloir mettre beaucoup plus d'eau. Si tu dois mettre 10 litres pour arroser ton arbre, si tu as de l'herbe, il faut mettre 20 litres. Voilà, donc paillage, c'est bien. Couvert végétal, c'est mieux. Au moins les 2-3 premières années, une fois que l'arbre est installé, c'est bien. Après, une fois que l'arbre est installé, l'ombre qui fait et les feuilles qui tombent par terre fait que l'herbe pousse moins normalement. Après, c'est toujours pareil. Tout à l'heure, j'ai fait des réponses souvent très longues, mais parce que j'ai l'impression que la réponse est intéressante. Je parlais tout à l'heure de strates et de zones, prairies, lisières, forêts, à savoir que les arbres, nos arbres fruitiers à fruits charnus, c'est-à-dire les pêches, les prunes, les cerises, sont des plantes de... Alors, pas cerises, pêches, prunes, pommes, sont des plantes de lisières. L'herbe, ben, c'est de la plante de prairie. Si on veut que l'arbre il soit bien, c'est pas là où il y a de l'herbe qu'il est bien. Lui, il a besoin d'une terre plus riche en matière organique, plus structurée. Donc, si vous avez de l'herbe et que vous voulez planter un arbre, décompactez à la grelinette, apportez beaucoup de matière organique et empêchez que l'herbe revienne pour que le sol ressemble de plus en plus à un sol de lisière et ne ressemble pas à un sol de prairie. Déjà, merci pour tout ce que tu fais. Merci. J'avais une question. Est-ce que ça t'est venu de faire une forêt-jardin après vouloir devenir pépiniériste? Ou plutôt l'inverse, tu t'es dit, tiens, je vais faire pépiniériste, et oh, tiens, la forêt-jardin, ça me semble cohérent. Et une autre question, comment t'aurais pu imaginer si c'était pas de la pépinière que tu faisais, mais autre chose? Du maraîchage, de la transfo, d'autres trucs comme ça. Comment rentabiliser financièrement le... Le jardin-forêt? C'est ça. Alors, déjà, la première question, très intéressante. Je dirais que c'est venu en même temps. Alors, au début, je me suis installé comme maraîcher. Et du coup, l'idée du jardin-forêt est venue petit à petit quand j'ai étudié. J'ai étudié au début le maraîchage bio, je voulais faire que du maraîchage. Et puis après, j'ai vu la biodynamie très vite. J'ai vu que ce n'était pas un truc pour moi. J'ai vu tout ce qui était agriculture conventionnelle, monospécifique, pareil, ce n'est pas pour moi. Et puis, voilà, j'ai découvert la permaculture. Et là, j'ai découvert que les associations végétales, on parle souvent de guildes, tout ça, fait que ça crée un écosystème qui va être fertile. Et je me suis dit, mais même pour le maraîchage, c'est intéressant qu'il y ait des arbres. Et puis après, c'est venu très vite. Au final, je me suis dit, mais une fois qu'il y a des arbres, une fois qu'il y a des petits fruits, une fois qu'il y a toutes ces variétés-là, et moi, j'ai cette passion pour la multiplication végétale. Une fois que j'ai des plantes, je veux les produire, je veux les multiplier. La pépinière est venue très vite derrière. Donc ça fait en gros... Alors, c'est peut-être juste un cas particulier, mais ça fait maraîchage, jardin-forêt, pépinière. Et aujourd'hui, quand je forme des gens au métier de pépiniériste, je forme pas mal de gens au métier de pépiniériste, et je forme des gens aussi au jardin-forêt, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux être pépiniériste, il faut au moins un petit jardin-forêt. Si tu veux un grand jardin-forêt, il faut au moins une petite pépinière. Parce que si tu veux un jardin-forêt, ne serait-ce que pour les couvre-sols, pour limiter le désherbage, tu vois, si tu veux mettre 10, 15, 20 plantes au mètre carré, si tu as 1000 mètres carrés de jardin, enfin la quantité de plantes, à moins d'être plein aux as et d'avoir énormément d'argent, on peut les acheter, mais sinon on n'a pas les moyens d'acheter autant de plantes. Il faut pouvoir se les produire soi-même. Donc tu vas faire un jardin forêt, il faut une serre, il faut de la pépinière, et tu veux être pépiniériste, tu vas faire énormément d'économies en ayant un jardin forêt pour avoir tes propres ressources à côté. Et après, il y a plein de techniques pour produire du greffon, pour produire beaucoup de végétaux. Et ces petites techniques, ces petites astuces-là qui vont te permettre d'être efficace dans ton métier de pépiniériste. Nous, grâce au jardin forêt que j'ai à Vaour, mon ancien projet, sur notre nouveau projet, dès la première année, on a réussi à rentrer plus d'argent qu'on a investi pour s'installer. Ce qui, normalement, ça ne marche pas comme ça une première année, quoi. Donc, en ayant un jardin forêt, de la ressource et des techniques pour multiplier des plantes, bon, ça peut aller très vite. C'était pas exactement ta question, mais... Bonjour. Ma question, c'est la gestion du moustique avec tous ces bacs d'eau éparpillés. Il faut des poissons dans les bacs. Comment ? Il faut des poissons dans les bacs. Juste ça. Voilà. Question suivante. Non, en fait, oui, c'est vrai que... Alors, il y a énormément de points d'eau. Il y a des bassins, il y a des mares dans lesquelles il y a de la vie, il y a de la biodiversité, il y a des grenouilles, il y a plein d'insectes dans les mares. Donc, dans les mares, il n'y a pas de moustiques. Si c'est accessible à la biodiversité, il n'y a pas de moustiques. Et par contre, dans les bassins qui sont inaccessibles pour les grenouilles et tout le reste, là, il y a des poissons dans les bassins. Il n'y a plus de questions ? Merci à vous.